monstrueux, celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brûle. Imagina, premier mot, il son champion de France. Regarde. Vous la bataille était le match. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à toutes et à tous, de retour sur Sports & Shield, c'est la saison 3 toujours et l'épisode 31 ce soir. Enfin. J'espère que vous allez bien. On a attendu cet épisode 31 quand même. Ouais, c'est vrai, ce petit rendez-vous hebdomadaire. Je vais commencer par la présentation aujourd'hui. À ma droite, Guillaume, salut à toi. Salut tout le monde, on est de retour comme le soleil en ces termes polyrène. À moins que... Il y a Tim aussi à ma droite, champion MPG ouais. Sport & Chill. Merci à vous. Bravo. Merci à ceux qui m'ont soutenu et merci. Et merci. Tu peux remercier les Lyonnais d'ailleurs. En face de moi, il y a Dimitri qui est avec nous ce soir. Peut-être la dernière, on l'espère pas évidemment, mais peut-être la dernière sur Sport & Chill. Très certainement la dernière, je vous confirme. Ah, il est dur ce départ. Ah, c'est un choix fort. Hein. Ah, mon Unai qui nous quitte. Hein. Il a balancé en conférence de presse. Oui. Ah, c'est dur. À ma gauche, il y a Gigio, Yassine. Oh, par pitié, non, mais bonsoir à tous. Et enfin, Romain qui est avec nous aussi ce soir. Salut Romain. Salut les gars, avec plaisir avec vous. Et puis, Dimitri nous manquera pour la finale NBA. Oui, c'est vrai en plus. Ça, c'est... Faut le dire. On l'a dans la justement, terre, ce soir, on va parler des playoffs de NBA, mais aussi de la fin en Ligue 1, de la finale de Champions Cup au rugby, le début du Giro en cyclisme, ou encore par exemple le GP de Barcelone ou les Masters de Madrid au tennis. On va parler résultats Montpellier aussi avec un petit bilan donc, de 3 victoires, un match nul et 2 défaites, mais ça sera l'occasion surtout d'un mini débat sur le MHSC, sur la saison du club de foot de Montpellier et aussi surtout sur un point sur. Sur le titre de championne de France du MHR féminin ou du MRC, rugby féminin, qui sont championnes de France ce week-end. Pour la septième fois. Et c'est donc, on n'oubliera pas aussi l'événement majeur de Montpellier ce week-end, c'était le FIS, hein, donc Festival International des Sports Extrêmes. On fera un petit retour sur ce FIS en deuxième partie d'émission. Ouais, cette grande journée de finale le dimanche, quand même. Exactement, aussi ensoleillé qu'aujourd'hui. Ma flécelle qui a dû être ravie par ce temps Montpellier. Hein, tu vois. Je m'en suis pas remis. Sans transition, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport & Chill, les résultats. On va commencer. Est-ce que tu es prêt à commencer Giro par exemple? Je peux faire ça, il n'y a aucun problème. Sachant qu'on va bien parler cyclisme, autant le faire de suite. Effectivement, on peut le faire de suite. C'était le début de la période des grands tours maintenant, effectivement, après. La période des classiques dont on a beaucoup parlé, avec le Tour d'Italie qui débutait, une fois n'est pas coutume, en Israël cette année, du côté de Jérusalem pour les premières étapes, ce qui a pu d'ailleurs faire polémique avant le départ de la course. Intérêt marketing, je pense, intérêt diplomatique, c'est un peu comme le Tour de France, les grands événements sportifs se vendent. Il démarre cette année le Tour de France là, aux États-Unis. Il démarre en France. En Corse, original. À Noirmoutier. Non, général. Donc en Vendée. C'est une année sur deux globalement maintenant. C'est généralement ça, le Tour de France reste tout de même assez proche de la France. Oui. C'est souvent le Tour d'Italie qui va loin. Une fois aux Pays-Bas, je crois qu'ils étaient partis, non, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien possible. C'est une fois de République Tchèque peut-être. Ah ouais, non, mais eux, c'est assez festival. En vrai, c'est Madagascar. L'Italie le fait de manière beaucoup plus rare que la France, mais a tenté des choses plus exotiques, disons. Un peu plus loin. Et donc, on a eu droit effectivement à 3 premières étapes du côté d'Israël et avec ce qui est aussi une spécificité, mais au vu du changement géographique important, d'un jour de repos après 3 jours de course, alors que normalement c'est en gros une fois chaque semaine. D'accord. Donc ce qui a un petit peu dévarié les coureurs, mais trois premières étapes qui ont donné des premiers enseignements. La première étape, c'était un prologue qui a été remporté par Tom Dumoulin, dont vous avez eu l'occasion de parler dans l'épisode 30, qui est un des favoris de ce Giro d'Italia et qui a donc marqué des points dès le premier jour, à l'inverse notamment de Chris Froome qui est tombé dès l'échauffement de ce prologue et du coup qui était loin de ses standards habituels en contre-la-montre. Donc Tom Dumoulin était le premier maillot rose de ce Tour d'Italie avant deux premières étapes de plaine qui ont été remportées par le sprinter Elia Viviani de l'équipe Quick Step qui remporte décidément beaucoup de victoires, hein, sachant qu'ils ont aussi gagné cette semaine une victoire au Tour de Californie par Fernando Gaviria. Et effectivement, lors de ces étapes de plaine, pas trop de bouleversements au général, si ce n'est que Juan Denis a pris à ce moment-là le maillot à Tom Dumoulin. Mais voilà, on était encore sur des écarts minimes au sortir de ces étapes en Israël, qui en plus ont proposé des paysages surprenants, effectivement, pour un Giro d'Italia, mais je les ai peu suivis. Ça a été des étapes qui n'ont pas forcément ravi le public, parce que voilà, c'est des vraies étapes de plaine, comme des fois on peut s'ennuyer sur le Tour de France, et ben on y a eu droit là à ce moment-là, avec ces étapes qui étaient vouées à finir au sprint. Et donc retour en Italie par la Sicile, et deux étapes assez vallonnées, une première qui était remportée par Timo Hellens, le Belge de la Lotto Soudal, et ensuite par la seconde par Enrico Battaglin, avant d'arriver à enfin une étape qui a livré plus d'enseignements, c'est l'étape de l'Etna, qui a été une étape assez passionnante et qui a vu deux coureurs briller, les deux coureurs de l'équipe Mitchelton-Scott, qu'on n'attendait peut-être pas à un tel niveau, et avec la victoire d'Esteban Chavez, le Colombien, devant j'allais dire son leader, mais on ne sait pas encore lequel est leader entre les deux, Simon Yates, qui est revenu derrière du groupe des favoris, sachant qu'Esteban Chavez était dans l'échappée, et qui a offert sur un plateau la victoire à son équipier. Donc voilà, ça c'était les étapes de la Sicile, et puis maintenant on arrive enfin dans cette botte italienne depuis plusieurs jours. Une autre étape de transition au sprint qui a été remportée par l'Irlandais Sam Bennett, parce que oui, les Irlandais font aussi du cyclisme, petite pourquoi surprise, hein, comme quoi tout se fait, je les ai vus d'ailleurs quand j'y étais pédalé. Et deux étapes de nouveau de montagne, voire vraiment une belle étape de montagne qui avait eu lieu hier. La première remportée par une sensation venue d'Équateur, le coureur de la Movistar Richard Carapaz. Et hier, la confirmation pour le maillot rouge de Simon Yates, qui l'a emporté à nouveau. Sprint face à Thibaut Pinot. Donc vraiment, vraiment ouais, au sprint devant Thibaut Pinot. Et voilà, un coureur qu'on n'attendait pas forcément, qui s'affirme. Et finalement, ce sont plutôt les outsiders, j'ai envie de dire, qui sont à la fête en ce Giro d'Italia pour le moment, en cette première semaine, avec effectivement un podium qui voit Simon Yates devant Esteban Chavez et Tom Dumoulin, Thibaut Pinot pour ce qui nous intéresse particulièrement est quatrième à 45 secondes. Et à noter donc que Chris Froome a du mal en cette première semaine, sachant qu'il a à nouveau souffert hier, il faut le dire, et qu'il est déjà à plus de 2 minutes. Certains disent déjà que la victoire finale sera très dure à aller chercher pour Chris Froome. C'est le bizarre. Podium, ce n'est pas fini, mais ça peut paraître étonnant. C'est étonnant. Après, ça au-delà de l'envie d'éventuellement polémiquer, hein, je vois le ton un petit peu caustique. Je sais que je le cherche un peu, mais c'est étonnant après son après, éventuel dopage. Ouais, ça peut poser question de ce côté-là. Je cherche un peu. Hein. Mais il y a malgré tout sa préparation aussi par rapport au Tour de France. Il est obligé de doser un petit peu plus la préparation. Et donc, voilà, on sait aussi que le Giro est un tour qui se joue vraiment beaucoup sur la troisième semaine, encore plus que le Tour de France. Donc, il a l'idée de monter en puissance pour arriver à faire l'enchaînement, d'aller ensuite performer sur le Tour de France. Ouais. On verra s'il en est capable. Mais bon, oui, on peut aussi, un petit peu être surpris de le voir en difficulté en montagne. Il est à 2 minutes 27 pour l'instant, donc ce qui commence à faire pas mal. En troisième semaine, si on est à 2 minutes 27 en troisième semaine, ça va encore. Mais s'il commence à perdre encore du temps, ça va être compliqué pour lui. Dimitri, ouais. Tu voulais réagir. Oui, je disais, j'ai une théorie en fait, britannique. En fait. J'ai une théorie du complot. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un cycle. Il y a eu le cycle Wiggins, il y a eu le cycle Froome. Maintenant, pourquoi pas le cycle Yates. Lequel maintenant aussi. Ils sont deux frères en plus. Donc justement, ça laisse deux flèches à leur arc. Froome est pris dans les scandales. Donc Yates, le nouveau Messi. Britannique. Cette métaphore absolument sortie nulle part de Dimitri. Pour l'instant, le cyclisme sur piste britannique n'est pas touché par ça, donc ça va. Ouais, non, mais en tout cas, c'est vrai que Simon Yates, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là, et il marque des points, et cette équipe Mitchelton Scott devant l'équipe Astana semble être l'équipe la plus armée sur ce Giro, notamment en montagne, alors que Chris Froome effectivement a des difficultés. Mais ce qui m'a plus surpris aussi, c'est de voir son équipe Sky elle-même ne pas être capable de cadenasser la course comme elle a pu le faire certaines années au Tour de France, ou même sur la Vuelta l'année dernière. En tout cas, justement, ce sera intéressant. A priori, on va avoir une course ouverte où les outsiders auront leur place, et je pense que Thibaut Pinot aura la sienne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut être satisfait, oui ou non, de la première semaine de Thibaut Pinot? Ça n'a pas été une semaine non plus flambante, mais je trouve qu'il répond présent et qu'il ne faut peut-être pas être prêt trop tôt non plus. 45 secondes de retard. Voilà, 45 secondes avec, justement, comme d'habitude, le juge de paix que serait la troisième semaine avec beaucoup, beaucoup d'étapes de montagne. Non, évidemment, pour l'instant, c'est une. Je pense qu'il reste toujours dans la cordée pour gagner le titre. Donc, non, je pense que c'est une bonne première semaine pour lui. Tu l'as prouvé hier qu'il était en forme avec sa deuxième place contre Simon Yates. À Gran Sasso, oui, ce qui est pas rien. Donc messieurs, on vous entend. Et du coup, c'est quand même. C'est quand même une belle satisfaction hier tout de même cette étape. Ouais, il a l'air de monter en puissance, Thibaut Pinot, progressivement lors de l'étape de l'Etna en Sicile, il avait l'air de dire vraiment qu'il pouvait rien faire, hein, qu'il pouvait pas revenir sur Simon Yates, qu'il était dans ce groupe de coureurs juste un ton en dessous par rapport à celui-ci. Hier, il a paru plus en forme, il s'était encore plus homogène sur ce final. Il finit deuxième juste derrière Simon Yates au sprint. Il montre aussi qu'il a un peu de punch, ce qui pourra servir dans ce Giro d'Italia, sachant qu'il y a des bonifications aux arrivées au sommet pour les trois premiers. Donc il prend régulièrement des bonifications, et si cette homogénéité se confirme entre les meilleurs coureurs dans les prochaines semaines, ça peut aussi faire la différence. Voilà, après il y aura aussi un élément important, c'est voir s'il va confirmer les bonnes prestations qu'il fait dernièrement en contre-la-montre pour être capable de rester dans le wagon des meilleurs et éventuellement aller chercher un Tour d'Italie, parce que cette année, effectivement, ça semble ouvert et Dumoulin et Froome n'assomment pas la course, en tout cas pour le moment. Très bien, très bien. On voulait parler beaucoup plus du Giro, on voulait faire un débat là-dessus, malheureusement. Un mois de mai un peu compliqué, donc, ouais. Voilà, un petit point Giro cette fois-ci. On va passer à la Formule 1. Je vois que Guillaume trépigne d'impatience puisqu'il n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Donc je te laisse parler de la Formule 1. Je débattais Giro justement. Oui, bien sûr. On y croit tous. Avec Debuchy, c'est ça? Ouais, ouais. C'est chance aussi pour le Giro, je pense. Ouais. Oui, donc Grand Prix d'Espagne, qui est toujours un Grand Prix assez attendu vu que techniquement c'est un des meilleurs Grand Prix de la saison. Souvent les écuries ils viennent pour faire leur préparation, pour tester la voiture en pré-saison. Donc voilà, c'est toujours un Grand Prix qu'on attend avec impatience, qui est habituellement assez cher à Ferrari. Malheureusement, ça n'a pas tourné pour eux ce week-end, vu que ça a été un doublé Mercedes, encore une fois, qui prouve que Mercedes reste quand même la voiture la plus solide, avec un Bottas aussi qui est de mieux en mieux et qui Hamilton s'installe solidement en deuxième. Hamilton, bien sûr, premier. Verstappen troisième, on a cru que Vettel allait pouvoir revenir dessus vu qu'il était quatrième, et malheureusement il est resté quatrième. Mais une très belle course, assez rythmée. Les stands ont eu quand même aussi leur importance. Ça a été quand même marqué par ce premier tour assez dramatique pour les Français, où Grosjean a fait une sorte de tête à queue au plein milieu d'un tour, d'un virage, et du coup il a emporté deux ou trois voitures, dont celle de notre cher Pierre Gasly, hélas. Et du on coup, bah, émotion dans sa voix. Le Ocon a abandonné un peu plus tard, donc bah, si vous voulez, il n'y a pas de Français à part le Monégasque qui a fait 10e, Leclerc, qui a fait lui une plutôt bonne course. C'est la soupe à la grimace pour les Français. Là, hein. Pour l'Espagne a pas vraiment souri aux Français cette fois, vu qu'il y en a trois qui sont restés au tapis à la fin de ce circuit. Bah, l'Espagne n'a pas souri aux Espagnols non plus. Oui, de toute façon, Alonso est en 47e, et Alonso 8e, ouais, c'est ça. Oui, bah après, là, voilà, vu les voitures qu'ils ont, les deux Espagnols, je pense qu'ils pourront pas espérer beaucoup mieux que ces places-là, malheureusement. Et ouais, à noter quand même que voilà, Ocon montre que lui, c'est un abandon quasiment technique, quoi. Donc ça prouve que la voiture est défaillante. Et assez défaillante, ça se voit depuis le début de saison, et là ça s'améliore pas. Donc à mon avis, à part quelques surprises venant de Gasly ou de Leclerc, Ocon, je pense que ça va être peut-être plus compliqué pour lui pour faire mieux que la saison dernière, quoi. Bah, à noter du coup que Hamilton conforte sa première place, il avait récupéré au circuit précédent, et là il prend un peu plus d'avance puisque lui a terminé premier et Vettel quatrième. Donc Hamilton qui prend la première place, et à mon avis va pas lâcher pendant quelques temps, j'ai peur. J'espère qu'il y aura du suspense quand même pour la fin de saison, parce que là, vu comme quel ça part, quel est le prochain Grand Prix là? Monaco. Bonne question. Ouais, ah. C'est Monaco. Ouais, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop l'intérêt à le regarder. Donc voilà, la Monaco, ouais, plus que jamais, Vettel devra faire des bonnes qualifs pour espérer reprendre des points sur Hamilton. Pas faux. Sûr qu'il y aurait risque d'avoir aussi un ascendant psychologique. C'est indéniable parce qu'on le sent d'entrée. Parce que honnêtement, Ferrari cette année a vraiment une très bonne voiture. Je pense quasiment à la hauteur de Mercedes. Mais on sent que chez Mercedes, il y a plus de sérénité. On voit que c'est le champion en titre, quoi. Plus de confiance. Et puis voilà, Vettel, même si il est dans le rôle du chasseur, il a quand même une pression parce qu'on aimerait voir Ferrari revenir au plus haut. Et on le sent qu'il y a encore quelques petites défaillances pour arriver au niveau de la stabilité de Mercedes, quoi. Mais bon, la saison est encore longue, donc on espère une petite amélioration pour l'enjeu du titre. Très bien, très bien. On va continuer avec toujours Guillaume, voire même Dimitri cette fois-ci, hein. Sur la NBA. Et c'est les phases finales et c'est les demi-finales ou les finales de conférence. Finale de conférence. Les demi-finales à NBA, si tu veux. Et conférence Ouest. En fait, ce sont les deux finales attendues, selon les pronostics de début de saison. Sans surprise. Ouais. Sans surprise. Mais quand pas même. Pas selon le classement. Pas selon le classement. Mais bon, on savait qu'en play-off, ils allaient. Ces deux équipes qui pourraient. Enfin, ces quatre équipes qui feraient sûrement la différence. Disons que c'est des grosses franchises, quoi. À l'image de Boston, voilà, ouais. Pas forcément si haut. Cleveland, on savait que même s'ils faisaient une saison régulière pas terrible, en play-off, ils seraient difficiles à battre. D'ailleurs, ça voit. Ça... À part les Pacers, où ils ont un petit peu galéré. Après, ils ont des. Non, ils mais quand Toronto, il y a un blocage psychologique par rapport à. Oui, chaque fois, ils victimisent. Ils avaient réussi leur première série. Hein. Oui, mais vous avez vu le premier match, déjà le match 1 à Toronto. Ouais, il calme. Valanciunas a une main pour gagner le match, il le rate. Ouais, non, on sent que psychologiquement, Toronto, ils ont beau faire une super saison, toujours contre Cleveland. C'est dommage parce que franchement, ils ont quand même une bonne équipe, il y a des bonnes individualités, des Mar de Rosa assez solides. Mais... Et pour vous dire la chose, le coach a été élu coach de l'année et il a été viré. D'accord. Ouais, ça c'est assez rare quand même. Bonne performance. Bah, quoi, comme Unai, surtout qui fait du très bon travail depuis qu'il est arrivé dans cette franchise. Cette année, ils ont battu le record de la franchise De victoires. Comme il y a le blocage LeBron. Ouais, c'est ça. Tant qu'il y aura LeBron, je pense qu'ils seront stoppés. Et du coup, de l'autre côté, tu veux qu'on en parle un petit peu? Je voulais surtout avoir une idée sur qui vous a le plus impressionné en quart de finale, enfin ce que j'appelle en quart de finale, donc en demi de conférence selon vous Au final, moi c'est quand même Boston parce que je les voyais pas survoler comme ça Philadelphie. Après les autres demi, je pensais que Cleveland allait battre le Toronto parce que ça s'endort. Boston, Houston et Warriors, pas trop de surprises. Ça a été assez facile. Il y a que le Celtics où finalement ils gagnent 4-1 quand même. Ouais. Contre Philadelphie, j'aurais dit que c'est. Ils ont mené 3-0. C'est Boston, je pense, qui impressionne tout le monde vu les deux blessés majeurs qu'ils ont. On sent que collectivement c'est très solide. On sent les joueurs soudés. Et puis donner le crédit au coach. Ouais. Malgré tous les blessés qu'ils ont, il aurait mérité aussi lui, le titre de coach de l'année aussi, parce que pour faire face à ce nombre d'absences, faut quand même être solide. Est-ce que c'est pas décevant pour des supporters, des fans de NBA de voir au final les équipes qui étaient prévues Il y a eu des belles sensations, après elles n'ont pas duré sur les playoffs. Parce qu'il faut du temps pour pouvoir réussir à confirmer ses saisons régulières sur les playoffs. T'as pas la même intensité en playoff qu'en saison régulière. C'est une autre phase. Donc, Philadelphie, on sait que c'est un projet vraiment intéressant. Je les vois sur les prochaines années peut-être gravir des échelons. Et à force de faire des playoffs, peut-être que les autres années, ils arriveront à sortir un Boston ou un Cleveland. Mais il faut être patient parce que c'est des franchises qui, finalement, qui sont revenus au niveau, mais il leur faut du temps pour acquérir l'expérience, pour pouvoir sortir les tauliers des dernières années qui sont les Warriors et Cleveland. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on s'est régalé pendant l'ensemble de cette phase régulière. Je trouvais que c'était vraiment beaucoup plus intéressant à la fois parce qu'il y a eu des équipes qui sont révélées, mais en plus des équipes qui sont des franchises historiques de la NBA et qui reviennent, notamment Philadelphie, au premier plan. On voit une équipe comme les Boston Celtics aussi à ce niveau-là. C'est quelque chose qui faisait vraiment plaisir. Après, c'est plus difficile en play-off. On voit que le système en NBA aussi d'avoir 4 matchs à aller chercher. contre une équipe comme Cleveland ou à l'ouest contre Golden State, c'est encore vraiment un palier à franchir. Ah, après, ça. Est-ce que les Celtics ou Houston seront capables de changer un petit peu la dynamique et de nous offrir une autre finale NBA, ça c'est une autre question. Ça paraît encore compliqué. On se régale devant les grands matchs. Je pense que les passionnés de NBA se régalent d'avoir un Cavs contre les Golden State Warriors, mais c'est vrai que parfois on se dit tiens, si on pourrait en avoir une autre, ce serait quand même sympa. Ouais, là, c'est LeBron, ils sont menés 1-0 là du coup. Ouais, et puis en plus comme on dit, on peut juste parler du match d'hier qui était le premier donc des finales de conférence avec la réception de Cleveland au TD Garden de Boston là, et oui, on a vu une très belle prestation de Boston qui a contrairement Cleveland largement avec 3 points d'écart et qui était vraiment très solide. Donc bon, certes ils ont gagné, mais ils ont en plus marqué les esprits sur ce premier match, et on sait que toujours le premier match d'une série peut avoir beaucoup d'importance sur le plan psychologique. Les Browns ont fait un peu mauvais match là en playoff. Donc il y a quand même des signes où on peut se dire ça va être très très serré là. Ok, très bien, on va passer à un autre sport, c'est du rugby et notamment enfin plusieurs événements importants, notamment le Champions Cup. Notamment la Champions Cup, c'était quand même l'événement majeur, hein. C'est l'équivalent pour le football de la Ligue des Champions, la finale qui avait lieu cette année, atypique aussi, hein. Moi je vous vends des trucs étonnants, après l'Israël, l'Espagne, avec la finale à Bilbao. À San Mamés, entre les Irlandais du Leinster et le Racing 92. Donc je relevais des points, messieurs là. Ils vont perdre des points en quiz. Ah ouais, là je vais être sévère. Non, on débattait rugby. Il me disait c'était à Lyon. J'ai dit non, c'est la demi-finale de Top 14. C'est une précision en plus. Je vois que tu suis ça de près quand même. J'essaie, je le souffle. Et donc, oui, effectivement, la finale qui avait lieu à San Mamés à Bilbao. Et pour les Français du Racing, ils espéraient que l'Espagne puisse leur sourire à nouveau, sachant qu'ils avaient remporté au Camp Nou une finale du Top 14 qui avait lieu aussi délocalisée de manière exceptionnelle lors de l'Euro 2016. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le Leinster va chercher le titre européen pour la 4e fois de son histoire et rejoint au palmarès le grand Stade Toulousain. Et ses 4 titres, performance majuscule du Leinster qui revient en haut de l'affiche et qui a en plus dominé la Champions Cup du début à la fin, sachant qu'il finissent invaincus, ce qui est très très rare. Et puis bon, après, pour en venir aussi à la finale même, bon, on peut penser quand même que la pénalité décisive, je crois que ça finit à 15-12, hein, le score final. Oui. Ouais, puis un drop d'Alain exactement, par Rémi Thalès qui est raté, mais on peut pas ne pas s'empêcher de penser que Teddy Thomas a commis une bourde qui a amené une touche, parce que je crois que sur la pénalité qui est obtenue par Leinster, c'est le Racing qui gagne la première touche, et Teddy Thomas en fait décide après de prendre extérieur et repère le ballon, et une deuxième touche pour Leinster qui est cette fois conquise. C'est exactement et ça. À 4 minutes de la fin, c'était préjudiciable, et Leinster n'a pas loupé ça. Ouais, je pense que même si le Racing progresse, ils avaient l'air plus proches cette fois-ci les Saracens, il y a deux ans, il y avait une forme de logique. Il y avait clairement une logique qui s'imposait. Là, pour le coup, on avait senti que la confrontation était beaucoup plus équilibrée. Après, le Racing, ce qui peut leur être aussi préjudiciable, c'est les blessures qui vont peut-être les pénaliser d'ici deux semaines pour les demi-finales de Top 14. J'ai vu que Carter était forfait. Machenot, je crois qu'il est aussi blessé. Sarzeski est forfait jusqu'à la fin de saison également. Pat Lambi, sans doute, aussi. Oui. Est-ce que vous pensez peut-être que cette défaite en finale de Coupe d'Europe peut aussi être un traumatisme pour les demi? Je pense qu'effectivement, alors voilà, il y a deux éléments. C'est-à-dire que le Racing, c'est l'équipe française actuelle qui semble dominer, qui semble la plus sûre sur ses bases, son collectif, ce qu'elle est capable de proposer sur le terrain. À côté de ça, moi, je sens un peu la même dynamique qu'on avait pu avoir certaines années avec Clermont. C'est-à-dire après une finale perdue, de la casse et aussi un choc mental aussi, j'ai envie de dire. On avait fait cette émission Psychologie et Sport, ben là c'est très vrai, avec une équipe qui a été vraiment très touchée à la fin de cette finale par la défaite, et ils peuvent avoir effectivement ces regrets. Ça s'est joué à très peu de choses, et le Leinster gagne ce match, mais aussi derrière pour le top 14, ça risque d'être très difficile pour le Racing, qui peut payer le prix fort de cette défaite en finale. Voilà, encore si proche, mais c'est pas le premier titre européen du Racing pour le moment. Et à signaler, juste pour finir sur le Racing, l'annonce de la retraite de Yannick Lianga à la fin de saison. Voilà. Ouais. effectivement, qui a été sans doute le meilleur Racing Man ce soir-là. Et donc Nakarawa qui a été élu aussi meilleur joueur de la compétition pour le Racing. Ce sont les satisfactions au moins individuelles. Je fais des grands gestes parce qu'il y a d'autres choses au rugby, en effet. Bien sûr, les deux derniers événements, mais ce sera plus bref. C'est le Challenge européen, hein, l'équivalent, mais je continue mes comparaisons de l'Europa League. Au moins tout le monde aura les repères. L'UEFA, pour les anciens. On n'avait pas de finale avec des Français cette fois-ci. Pourtant, on est quand même habitué à y être dans cette finale. Ce sera plutôt le côté du foot qui nous l'offrira. Et on avait une finale galloise face à des Anglais. Les Anglais de Gloucester qui sont des habitués de cette compétition, tout comme les Gallois, j'ai envie de dire, de Cardiff. Et on a eu une finale, j'avais envie d'en parler quand même, parce que c'était une finale vraiment passionnante, où après une première mi-temps, on aurait pu penser les Anglais de Gloucester largement à l'abri. Je crois qu'ils menaient 20 à 6, si je ne me trompe pas. Et les Gallois de Cardiff reviennent presque de nulle part, mais en faisant une seconde mi-temps tactique parfaite, et l'emportent 31 à 30 à Bilbao, aussi à San Mamés. C'était la veille, le vendredi soir. Et donc voilà, un match vraiment très plaisant de rugby, qui a vu sacrer en plus des Gallois contre des Anglais. On ne va pas s'en plaindre. Hein, et un très grand joueur, Hans Combe, à l'arrière, qui a fait vraiment la différence du côté de Cardiff. Et puis dernier événement à citer, c'était le barrage d'accession au top 14, donc qui opposait l'équipe qui avait perdu la finale de Pro D2 contre le 13e avant-dernier du top 14. Duel régional entre Grenoble et Oyonnax. À Grenoble, avantage au club de Pro D2 pour cette affiche de finale, et beaucoup de monde, moi y compris, voyait Oyonnax au vu de sa belle fin de saison, malgré le dernier match contre Castres, capable vraiment de se maintenir en top 14, avec cet avantage maintenant donné globalement à l'élite par rapport au club de Pro D2. Et Grenoble a livré une performance assez incroyable, et à l'inverse, Oyonnax est clairement passé totalement à côté de son match. Ça se paye, là. Match très prolifique également, victoire de Grenoble qui remonte donc en top 14, 47 à 22 contre Oyonnax. Ah, il y a un petit écart. 7 essais marqués pour l'équipe de Grenoble. Putain, et énorme. Puis un joueur qui a été très bon, c'est le demi de mêlée, David Mêlé, qui rejoindra d'ailleurs l'année prochaine. Ça s'invente pas. Son club formateur. Qui rejoindra son club formateur de l'USAP, qui monte en top 14 et qui avait gagné cette finale. Et il est bien heureux, bien sûr, avant de partir, de ramener Grenoble là où il l'avait trouvé en top 14. Et voilà, on retrouvera des anciennes gloires de ce championnat, parce que Grenoble et l'USAP sont des habitués et au vu de leur saison méritent d'être là où ils sont aujourd'hui. Preuve en est que les clubs de Pro D2 ont su s'accommoder des semaines en plus qu'ajouter les barrages face au 13e qui avait deux semaines, je crois, de plus de repos. En plus, on va passer au tennis, puisqu'il y a eu un Master 1000, c'est aussi important, et c'est surtout le dernier tournoi avant un certain Roland Garros. Ah, c'est cool. Ouais, il y avait le Master 1000 de Madrid qui arrive en fin de saison de terre battue, avec une bonne surprise, l'élimination de Rafael Nadal qui a été maîtrisée par Dominic Thiem, une énorme performance de l'Autrichien. Et on avait une finale vraiment 100% next-gen, puisque c'était Dominic Thiem qui affrontait Zverev pour la 6e confrontation. L'Allemand était vraiment, vraiment solide. Hein. J'ai regardé le match 6-4. Il n'y a pas eu une once d'espoir pour Dominic Thiem. Assez étonnant, parce qu'il avait justement l'avantage psychologique de la confrontation. Ouais. Notamment, il menait 3-0 sur terre face à Zverev. Et Zverev qui remporte son 3e Master 1000 à 21 ans quand même. Donc c'est quand même assez... C'est solide. Propre, ouais. C'est très propre. Ouais. Encourageant. Très propre. Et ça laisse en présager quand même des bonnes positions pour Roland Garros. Je crois à cet âge, Djokovic on avait 4, si je me trompe pas. Nadal avait déjà 9, Federer en avait 1, Murray en avait 0. Nadal 9. Ouais, je crois que Nadal en avait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup 9 quand même. Je crois que c'était 9, je vais vérifier, mais je crois que c'était 9. Si on compte Monte Carlo, il y aurait quoi? Monte Carlo, Madrid, Barcelone, Rome. Ouais, elle a dû en gagner des. Master 1000 déjà. Après Barcelone, c'est un 500, mais. Je vais vérifier, mais juste une petite question. Est-ce que ça sera entre Thiem et Zverev la principale adversité de Rafael Nadal à Roland Garros? Franchement, je sais pas si ça va être ouvert. Hein. Dominic Thiem, moi je suis pas, parce qu'il est capable vraiment de sortir des gros matchs, mais il peut avoir des défaillances mentales. Parce que là, il fallait prévoir qu'il perde en 2-7 comme ça sans trop accrocher Zverev finalement. Ouais, puis il fait pas un énorme tournoi à Barcelone non plus. Je mettrais peut-être un David Goffin qui, quand même, en 3-7 gagnants, sera dur à sortir. Ouais. Et ce que j'allais dire, ce qui va peut-être changer les choses, c'est passer en 3-7 gagnant. Et je mettrais peut-être un Dimitrov, même s'il aime pas trop la terre. Et après, par contre, je mettrais même pas un Djokovic et un Wawrinka qui est vraiment en peine à revenir. Ah non, ouais, là ils sont trop en difficulté. Bon, Djokovic l'a gagné à Rome 1 et 3 contre De Golpolov, mais bon, il se fait sortir par Kyle Edmund en 3-7. Ouais, il est pas du tout bien lancé. Vous pensez que Tim est meilleur sur terre battue que l'an dernier? Parce que je me rappelle qu'on en parlait déjà l'an dernier et il avait perdu en demi très sèchement face à Nadal. Ouais. Avec un 6-0 très très dur. Après, ouais, Rafa sur 3-7, c'est un autre cap quoi. Là, il a été battu, donc c'est déjà rassurant, mais à mon avis, à Roland. Ouais, puis je pense qu'il commence à être un petit peu fatigué tous les matchs qu'il a essayé sur terre. Parce que fatalement, quand tu arrives en finale, c'est que tu as joué le maximum de matchs. C'est ça. Je confirme pour Rafael Nadal, à l'âge de Zverev actuellement, Federer 0 Grand Chelem, 1 Master 1000, numéro 13 mondial. Nadal 3 Grand Chelem, 9 Master 1000 et numéro 2. Djokovic avait déjà un Grand Chelem et 4 Master 1000, numéro 3. C'est quand même Murray avait rien du tout et était numéro 11. Et donc là, 3 Master 1000 pour Zverev. Donc il y a eu Monte Carlo, il y a eu triple victoire à Rome, victoire au Canada deux fois, victoire à Madrid, victoire à Indian Wells très tôt aussi. Donc, c'est là que tu vois que c'est des tauliers les mecs. Mais, ils ont mis la barotte quoi. Et juste pour préciser aussi, du coup, avec cette élimination, Roger Federer repasse numéro 1 mondial. Exact. Ouais. Donc là, c'est le choix tactique de l'année parce que le mec, au fond de son canapé, il est revenu premier sans rien. C'est vrai que c'est beau ça. Bon, après, c'est la légende donc c'est mérité. Parce que, pour préciser, Rafa Nadal avait beaucoup de points à rattraper sur terre bien sûr. Totalement quand tu gagnes tout. Hein. Ouais. La barriotte. On va terminer avec notre dernier sport qu'on a pas fait. Ouais. Quoi, t'avais de la boxe? Ouais, j'avais de la boxe. Très rapidement cadeau. Alors. La victoire sans trop de surprise de Lomachenko contre Linares en pour le G, c'était quand même un très gros combat entre les deux meilleurs de la catégorie. Lomachenko qui prouve qu'il est peut-être le meilleur boxeur actuellement avec Golovkin en l'emportant à la 10e reprise sur un KO technique. Et aussi, il y avait un autre championnat du monde, c'était Ali contre Mungain, un Mexicain qui pour le coup était assez outsider et qui a surpris tout le monde en remportant le titre dès le 4e round aussi sur un KO assez impressionnant. Donc deux belles surprises. Et aussi à noter, vu qu'on l'a reçu plusieurs fois, Sylvain Chapelle qui a gagné son combat lors de la petite réunion de Jaco. Donc voilà, on le félicite. Et on le salue. Il est sur une série de deux victoires d'affilée. Donc, c'est quand même encore. Deux victoires d'affilée. Là, il a gagné le week-end dernier aussi. Ouais. Donc, bonne dynamique pour moi. Ça met 2 en 3. J'espère pour lui. Quand te le souhaite. Et donc, on va finir avec la Ligue 1. Parlons un peu. On va peut-être pas donner les résultats, mais surtout de la course à la Champions League qui se passe en ce moment. C'est peut-être le seul truc qui nous reste d'intéressant. Et le maintien, peut-être un peu. 77 points pour Monaco, 75 pour Lyon, 74 pour Marseille. Et au-delà donc des calculs mathématiques que vous pouvez faire ou quoi que ce soit, parmi vous, quel est le club qui mérite le plus, au moins, d'être en deuxième place? Il mérite le plus. Alors, sur la saison, évidemment. Je parle du jeu, je parle des joueurs, je parle de l'ambiance, je parle du stade, je parle de la communication, je parle du général. C'est compliqué. Franchement, c'est vraiment l'ambiance. C'est vraiment dur à dire. Parce que la communication, par exemple, dernièrement, on peut être très lassé du duel entre Marseille et Lyon. Du coup, est-ce que tu mets Bordeaux à la place pour je parle entre les trois. Ouais, je rigole. Parce que le souci, c'est que si on met l'onglet après ambiance ou stade, comme tu disais, Monaco déjà, par largement déficitaire. Je pense honnêtement, si on est un peu objectif, je pense qu'on dirait peut-être Monaco, parce que c'est quand même eux qui ont été globalement second. Après, j'ai quand même une grosse réserve parce qu'ils m'ont vraiment pas emballé cette saison. Ils avaient quand même 12 points d'avance sur Lyon il y a 5 journées. Là, ils en ont plus qu'un. En plus, ils ont fait une. C'est des victoires un peu étriquées dans le jeu, ils sont pas flamboyants. Très moyen. Je te dis Monaco parce l'arraché. Que l'OM et l'OL ont été un peu irréguliers. Et moi, je leur en veux. Je leur en veux, j'avais tout misé sur Falcao sur MPG, je m'en rendais pas. Justement, ça me vient faire mon commentaire sur Monaco, et c'est pour ça que je te demandais sur la saison, la fin de saison. Sur la saison, j'ai le même constat que Tim. À l'inverse, sur la fin de saison, je suis extrêmement déçu de ce qu'ils auront proposé sur le terrain. Et puis quand on voit le bilan comptable sur les dernières journées, je pense que peu de monde les voyait se faire reprendre, ils avaient que ça à jouer. Contrairement aux deux autres, contrairement effectivement notamment à Marseille qui est encore aligné en Europe. Après, on peut être lassé, je suis d'accord avec toi aussi, des batailles je sais pas si je peux dire à l'ancienne, entre héros, Olas, OL, OM. C'est bon, c'est ça, c'est vaut mieux ça que des milliardaires qui arrivent à la tête d'un club. Bien sûr, c'est quand même bien. Après, des fois, c'est trop, je suis d'accord, mais c'est rigolo. Chacun défend son bout de gras parce qu'il aime son club. Sur ce qui a été proposé en Ligue 1 sur la fin de saison, je dirais l'Olympique Lyonnais. Et moi, dans le dynamisme et dans le jeu, sur l'année, tu vois, je mettrais plus. Bah, Lyon, oui, parce qu'ils ont quand même su réagir après la claque contre le CSKA. Puis Marseille, quand même, dans l'enthousiasme qu'ils ont mis, le fait de tout jouer aussi, ça joue quand même dans le mérite quand même, pour l'année d'après d'Europe. Je trouve Marseille a apporté quand même quelque chose, même si dans le jeu, ça n'a pas toujours été, bien sûr, très serein. Mais quand on voit Monaco qui a été aussi. Longtemps deuxième, qui a, dans la manière, a été très moyen aussi cette année, qui a fait une sale saison de Ligue des Champions avec cette phase de poule assez catastrophique. Ah oui, c'est pas de le dire. Ils ont été beaucoup moins en ballon par rapport à l'an dernier, où l'équipe de Monaco quand même avait quand même plutôt régalé en termes de jeu et d'ambition. Là, cette année, ça a quand même été. Sans la régularité, est en train de faire. Ouais, tant bien que mal. Oui, non, mais après, je mérite le mérite à Jardim, il est quand même incroyable. Je mettrai Monaco. Dimitri. Vu qu'ils perdent beaucoup de joueurs à chaque fois, ils arrivent à s'adapter. Mais je sais pas, dans l'enthousiasme sur la saison, je les sens quand même moins bien. C'est quoi, du coup, qui Ouais, je vais mettre Marseille et Lyon parce que bon, les, je sais pas, les projets et l'enthousiasme autour sont plus intéressants pour l'an prochain, je pense. Je suis Guillaume, de ce point, je dirais que Marseille et Lyon méritent. Parce que leur projet, déjà un enthousiasme pour le public, les présidents. Tout par rapport à Monaco. Qui perd chaque fois de joueurs et tout. Donc Monaco, déjà, le stade aussi, le stade Louis II, comparé à un Vélodrome ou au stade Groupama, ce n'est pas la même ambiance. La ferveur. Et puis, on parlait justement de Formule 1, du Monégasque qui a été qui a fini 8e. On n'a pas ce sentiment d'appartenance à Monaco. Il n'y a pas ce sentiment d'appartenance. C'est toujours dur. Ferveur nationale derrière Monaco. Alors que si c'est un Lyon ou un Marseille, c'est différent. Une identité. Oui, ouais, non, mais ça, c'est pas du tout un club populaire. Donc, c'est sûr. Dernièrement, bon, quand ils jouent bien comme l'an dernier, ça va. Mais là... Moi, dans l'ordre, je mettrais Lyon et Marseille. Lyon, pourquoi ? Parce que bon, c'est pas le jeu qui m'a emballé. Je trouve que la défense aussi est plutôt. Quand il n'y a pas Marcelo, plutôt faible. Après, l'avantage de Lyon, encore une fois, cette année, ça se répète depuis plusieurs années déjà, c'est que c'est l'équipe qui prend quasiment le plus de points face aux grosses équipes. Ça s'est encore une fois répété cette année, et rien que pour ça, la légitimité de Lyon en tant que deuxième se confirme. Voilà, après, le recrutement devra se faire en défense, mais sinon, ça m'a... Ouais, voilà. Ouais, y a une bonne ossature, quoi. D'ailleurs, je rejoins mes chillers. J'avoue que si on parle de mérite, après, moi, j'étais sur le devrait être. Mais sur le mérite, pour moi, c'est. Après, c'est subjectif quand même, bien sûr, mais ce serait Lyon et Marseille. Et pour la même raison qu'Yacine, Lyon sur les grands matchs, parce que si cette équipe a joué d'irrégularité, c'est l'équipe qui m'a paru capable le plus d'osser son niveau de jeu dans les grands matchs. Contre le CSKA, mais c'est vrai que sur les gros matchs, c'est peut-être la meilleure des trois, finalement. On finit par un consensus. Que c'est beau. C'est oui, beau. En effet. Elle est belle cette plaie, hein, l'image de Chile. On va continuer parce que sinon on va être toujours en retard comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Comme on dit. On va passer tout de suite à nos sports montpelliérains. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Ça fait un petit moment qu'on n'ait pas vu les deux loulous là, mais on sent que ça fait. Manqué, hein. On sent que. Nous aussi, c'est vraiment qu'on s'est pas vu. Ils se sont manqués, je pense. Ouais. Allez, bon, on va faire le résultat montpelliérain très rapidement avant d'évoquer encore une fois le foot avec le MHSC. Le MHSC, c'est-à-dire féminin cette fois-ci, a gagné 1-0 contre Soyo, malgré donc une victoire. Le MHSC finira troisième de cette saison de D1 féminine. Une place malheureusement pas qualificative pour la Champions League. C'est les deux premiers. Ouais, c'est les deux premiers. Il reste deux matchs, un au déplacement au LOSC et un le dernier alors, à domicile ça fait contre. Un petit moment qu'ils étaient toujours en Ligue des Champions, je crois. Non, au contraire, ça faisait cette année, c'est été repris parce que Paris est arrivé aussi chez les féminines. Hein. Du coup, ça faisait plusieurs années où c'était Paris, enfin Lyon et Paris. Ah oui, d'accord. Ouais. Je pensais vraiment. L'année dernière, elles ont fini deuxième. Elles ont pris la place à Paris. Ouais, et j'étais resté dans l'époque avant Paris, tu sais, où c'était toujours Lyon et Paris Montpellier qui a pris sa place. Quoi. Ouais, normal, quoi, malheureusement. Du coup, voilà. On peut être juste déçu, effectivement, parce qu'elles ont bien figuré en Ligue des Champions, donc de ne pas les revoir l'année prochaine. Mais... C'est comme ça. C'est une petite déception. On a des grosses équipes. Chez les féminines aussi, le basket, une belle déception également. Dans son dernier match de classement, le Bel MA s'incline, un peu symboliquement, et finira 7e du classement final de LSB cette année. Une année de transition, espérons-le, car c'est une saison très, très compliquée pour les Gazelles, que ce soit au niveau national, mais surtout au niveau européen, où elles ont fini dernière de leur groupe. Ça, Monaco Ouais, c'était encore pire que Monaco, j'ai l'impression. Handball, victoire 34 à 26 à Toulouse pour le MHB. Donc une victoire très importante puisqu'il reste 3 matchs de championnat. Combien d'avance là ? 2 points, donc une victoire. sachant qu'il reste Nantes à domicile, c'est jeudi, Nantes qui est 3ème. Ah, celui-là pas à rater quoi. Saint-Raph, surtout Saint-Raph à l'extérieur, là-bas. Saint-Raph qui est 5ème, ah, oui, qui joue ouais, toujours l'Europe, et Dunkerque qui est 6ème à domicile, donc toujours point de ah, match, sur ouais, le match, je pense à Nantes et à Saint-Raph vont être les deux Nantes à domicile ce jeudi. Ça, encore ça va, mais ouais, le déplacement à Saint-Raph peut-être que... Ouais, pour moi c'est à Saint-Raph que tout va se jouer. Ouais, ouais, c'est Saint-Raph, parce que Nantes encore est presque sûr d'avoir la 3ème place. Ouais, donc peut-être qu'ils seront pas aussi motivés. Saint-Raphaël est encore en pleine course pour la petite Coupe d'Europe. Il ne faut pas oublier que Saint-Raph avait fait nul la Bougnole au match aller. Ouais, c'est un des rares clubs à avoir fait quelque chose à Montpellier. Match, ouais. Donc faire attention. Mais, et Paris, ils ont un calendrier plutôt favorable. Ouais, il reste 3 matchs faciles, mais le plus difficile, c'est la réception de Aix-en-Provence. Ouais, pas non plus. Ouais. Donc voilà, Aix-en-Provence qui doit être 4ème. Tout de même. Ah ouais, donc ça va. À noter que Bastia avait failli faire l'exploit face à Paris. Ouais. Et dans un petit derby, ça. Ouais. Il y avait nul à, je crois, 3-4 minutes de la fin, puis Paris a mis les 3 derniers buts. Ouais, ouais, c'est dans le money time. Fergie time. Pour le MRC, j'ai mis Romain, vu que tu l'as regardé. MRC, j'ai regardé la finale. Les Coccinelles, pardon. Coccinelles. Qui sont championnes de France, encore une fois. Les Coccinelles qui sont championnes de France une nouvelle fois. La finale se joue à Carcassonne et était diffusée sur France 4. Ça me paraît une bonne chose. Au stade, donc, Alfred Domecq avec une météo Albert Domecq, qu'est-ce que je dis Alfred ? Albert Domecq, ouais, Albert Domecq, bien sûr. Je pense que personne n'aurait et les amateurs de rugby comme Paul qui nous écoute ce les soir m'auraient repris bien les puristes. Donc oui, ce match qui s'est joué hier et une belle finale qui opposait Montpellier au Stade Toulousain. Stade Toulousain, bon, bien sûr, une institution du rugby, mais une équipe qui monte chez les féminines, une équipe de jeunes pas forcément habituée au final, et Montpellier a eu toute la peine du monde à réussir à s'extirper du piège des Toulousaines, sachant qu'à la mi-temps elles étaient menées 9-0, certes contre le vent, mais elles avaient vraiment du mal à mettre en place leur jeu, et en seconde mi-temps elles ont fait le travail pour finalement s'imposer, comme le Leinster face au Racing, 15-12. Très belle victoire pour nos Montpellierennes qui remportent une nouvelle finale, qui sont championnes de France de top 8, et tu fais bien de souligner leur performance, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de cette équipe sur Montpellier. Alors c'est sûr que le rugby féminin a une médiatisation plus faible, a du mal à peut-être à monter par rapport à d'autres sports, même dans le monde du sport féminin. Mais ce qu'elles font est vraiment bien, et je pense qu'il faut les féliciter parce qu'elles ont une grosse régularité au plus haut niveau, et on a beaucoup de joueuses de l'équipe de France. C'est un peu l'Olympique Lyonnais au foot féminin, quoi. C'est le septième titre, c'est ça ? Ouais. Je crois bien, c'est ça. Le septième. Non, c'est pas le septième, mais ça sera au quiz. Ah oui, c'est bon. Déjà, ce sera pas le sept. C'est bon. Je me la garde. Ouais, c'est moi qui me suis mélangé avant, mais je ne le dirai pas maintenant, du moins. Et donc oui, belle victoire pour nos coccinelles montpelliéraines. En plus, il y a la sœur d'un pote qui joue maintenant dans l'équipe et qui a remporté du coup son premier titre, Philippine Marquier, que connaît bien Paul d'ailleurs. Super de leur part. Et puis à noter que Safi Ndiaye, la capitaine de Montpellier, aussi connue comme une des meilleures joueuses du monde, et a tenu à nouveau son statut pour permettre à nos bleus du MRC féminin d'aller chercher un nouveau titre de championne de France. Très bien, donc félicitations à elle. Quant à nous, continuer sur un autre club qui est moins satisfaisant, on verra peut-être satisfaisant pour certains. C'était un match nul ce week-end contre l'Estac. Le MHSC a fait un partout Estac. Avec un but de Koza, le défenseur pour le MHSC. Le MHSC risque, on attend la dernière journée, risque d'être 8ème de Ligue 1. D'une manière générale, est-ce que c'est une bonne saison pour le club Hérolté au niveau du classement, donc au niveau comptable, et surtout aussi au niveau du jeu? Je compare à le temps qu'il y a eu ces derniers jours, quoi. Du froid, de la pluie, du soleil, de la chaleur aussi sur ces dernières semaines. C'est plus de chaleur ou de froid? Finalement, c'est très mitigé. Bon, là, c'est un peu plus de soleil aujourd'hui, mais après, c'est le. Ils tiennent leur rang, quoi. C'est une équipe qui a, je crois, en terre à terre, le 10ème budget. Ils sont à peu près dans les clous. 8ème pour Montpellier, ça reste très correct. Après, en termes de jeu, c'est vrai que c'est ce que je disais, tu joues comme ça, tu vas chercher quelque chose. Je peux le comprendre, mais tu joues comme ça, tu termines 8ème. Bon, on me dira, ça apporte quelque chose financièrement d'être 8ème, bien sûr. Mais je pense que quand même t'es supporter à Montpellierin, bon finalement t'es un petit peu cru, mais après tu sors d'une saison comme ça, je pense qu'ils se sont pas beaucoup régalés non plus quoi. Enfin, moi, je suis un peu déçu du système de jeu où tu t'es vraiment régalé quoi, je pense. Du système de jeu de Der Zakarian qui peut être correct face à des grosses équipes au niveau à 5 derrière, voire même des fois à 3, et les latéraux qui montent très haut. Qui montent bien, le problème c'est que face à des petites équipes où tu dois faire pas de jeu, ça marche pas, et là ils sont pas bien. C'est la preuve sur beaucoup de matchs à domicile des équipes inférieures, ils se sont fait souvent accrocher. Donc ça, malheureusement, il n'a pas changé de système de jeu. Il est borné sur ça. Il est très fermé sur ça. Ce match contre Troyes est assez symbolique de la saison et ces difficultés de Montpellier d'enchaîner les bons résultats et pas seulement les matchs nuls et surtout contre des équipes normalement de rang plus faible et où sans avoir une grosse qualité d'effectif, on est censé notamment à domicile aller chercher les 3 points et donc plus de points au final. Après, si on regarde Montpellier, c'est quand même 50 points cette saison. C'est pas mal. Il y a un effectif qui est correct, quand même mais correct plus... mais pas de grande qualité. Qui devrait être diminué plus. En plus l'an prochain, je pense. Qui pourrait être diminué. On a fait avec les moyens du bord pendant longtemps, mais à partir du moment où on était à l'abri, on aurait peut-être pu espérer mieux. Oui, et puis développer ces matchs-là où tu peux faire le jeu et que tu n'arrives pas à le faire depuis le début, ça je trouve qu'ils n'ont pas réussi à vraiment le travailler. Il n'y a pas eu vraiment de progrès là-dessus, ouais. Ouais. Ah, c'est que ça reste quand même hyper faible ce système. Hein. Ouais. C'est très bien. Au moins une chose, on aura un mercato money. Ah, bah comme toujours, comme tous les côtés, on a de la bonne maille. Hein. Montpellier a fait un recrutement assez intéressant tout de même c'était bien senti. Mukiele aussi qui est pas trop mal derrière. Ouais, il y a eu des bonnes satisfactions, mais c'est vrai que quand il y a des blessés ou quand l'équipe type n'est pas là, Montpellier, t'as pas de bord. Puis le truc, c'est que les mecs comme ça, où tu fais des bonnes pioches ou des jeunes qui sont intéressants, ils font une année, deux ans, pas plus, et puis ça part, donc en termes de stabilité... On a eu l'audace d'y aller avec Yacine, voire contre Troyes. Avec le temps, c'était très... Triste, hein, ouais, c'était plutôt atypique de voir un match sous l'orage, enfin, bref. Ouais. Un trio d'attaque vraiment très médiocre. Ouais. Et le problème, c'est que sur le banc, j'ai regardé sur mon portable, je me suis dit, mais qui est-ce qu'il y a sur le banc? J'ai dit, Camara, il est même pas là. Et encore, Camara, il se fait très vieux. Le seul, c'était Porcent Clemente, un jeune du centre de formation. Ouais. C'est le seul. C'est le seul sport pour Montpellier, de son chapeau. Mbenza est rentré, mais Mbenza, pour moi. C'est un match sur 3, quoi. Ouais, encore un match sur 3. Moi, sérieusement, j'ai pas envie d'être méchant envers certains joueurs parfois. Mais quand on voit les joueurs actuels du front de l'attaque, on peut se demander. C'est le gros problème, le front de l'attaque. Franchement, est-ce qu'ils sont vraiment des joueurs de niveau Ligue 1, pardon, parce que quelqu'un qu'on nous demandait comme étant un bon joueur, bon, qui marquait une dizaine de buts comme Giovanni Sio, quand je vois ses stats, quand je vois qu'il aimait ses buts, mais quand je le vois vraiment sur le terrain. C'est sa meilleure saison, hein. C'est ça le pire parce que quand on voit son apport au jeu offensif, il est quasiment inexistant. Il m'a jamais emballé. Et on voit qu'on est ultra ultra dépendant des ailes, encore une fois. Lorsqu'il n'y a pas Aguilar et Roussillon, surtout Aguilar qui est hyper actif sur son côté, Montpellier n'existe pas et on en vient évidemment à regretter. Ceux qui apportent presque le plus offensif, quoi. Exactement, et on en vient à regretter l'absence d'un joueur comme Mounier qui a dû partir à Huddersfield, mais qui marquait au moins ses buts et qui était un vrai numéro 9. Dans le match contre 3, qui a été le plus dangereux, c'est le but, donc un défenseur, Kosa, et Koda. C'est une frappe de Mendes, je crois, à la fin, un autre défenseur. Mais ça symbolise Montpellier sur cette année. La saison de Montpellier, on aurait pu penser, je crois que c'était au mois de février où Montpellier enchaînait les bons résultats, qu'ils étaient encore dans la course à l'Europe, que la saison était plutôt réussie. Parce qu'on avait encore un calendrier où Montpellier recevait des équipes moyennes où franchement on pensait qu'ils capitaliseraient. Ça n'a pas été le cas. Ils ont enchaîné deux défaites cruciales face à Bordeaux et Saint-Etienne qui sont partis les cueillir froidement à la Mosson. Ouais. Et depuis, Montpellier est 8e et je pense qu'ils sont à l'heure. Après, c'est normal qu'une équipe qui a quasiment qu'une défense ne puisse pas espérer être plus haut. C'est les limites. Si t'as un Liga, ça reste un indécent. On a bien pensé que le ventre mou du championnat est la place de l'équipe. Devant, tu vois les attaques de Rennes ou de Nice, tu te dis, ils n'auront pas tremblé pour le maintien cette année, en tout cas. Ouais, c'est déjà ça. Juste pour dire, je te laisserai finir, Dimitri. Montpellier a mis 35 buts cette saison. Pour vous dire, le 18e, à savoir Toulouse, en a marqué 36. C'est quand même incroyable cette saison. Pourtant, Toulouse, ça a bien été dégueulasse. C'est la deuxième meilleure défense, non? Toulouse a planté. Au niveau de la défense, Montpellier, c'est 32 buts. Juste devant Lyon, je crois. Deuxième meilleure défense. Voilà. Deuxième meilleure défense. Voilà, tu as pas Lyon en a 41, donc 9 de plus. Ouais, il y a une grosse marge. Il manque avec Hilton encore. Enfin, bon, ouais, et encore. Je, dis. Je te laisse finir, Dimitri. Bon, une petite pensée pour Laurent Pionnet. Qui va nous quitter. Il n'y a que des pensées ce soir. Hein, qui, c'est gardien du temps. Un peu des historiquement numéro 2 quasiment. Mais ouais, c'est apparemment un personnage attachant. Allez. Et c'est bien un poste où par contre on s'est peut-être rassuré la suite. Ouais, avec ouais, c'est la bonne qui est quand même. S'ils peuvent le garder pour un petit moment. C'est la meilleure des satisfactions pour Lyon, c'est le compte pour moi. Ouais. Et qui est l'image de la solidité aussi, Montpellier. On va enchaîner parce qu'on est bien en retard. Et en plus, j'ai oublié un club de Montpellier, c'est le futsal. Non, pas des moindres. Où ils en sont, les. Malheureusement, ils en sont que. L'espoir ne tourne au cauchemar. C'est la soupe à la grimace. Puisque la défaite emballé, il y avait un dernier match et défaite à domicile 6 buts à 4 contre Garges. Ce qui fait qu'ils se classent avant-dernier. Et donc synonyme de descente, sachant que les trois derniers clubs descendent en Ligue 2. Ah, ça, barrage là, il peut pas me trouver un petit non. barrage. Le club a fait appel une dernière fois de la décision sévère des 12 points enlevés en début de saison, qui ferait passer quand même le club de la 12e à la 7e place. à suivre, mais c'est mal parti. En tout cas, au niveau du classement, ils sont. Ils sont avec nos mon petit soir là, régale un peu là. Petit appel téléphonique, un petit enveloppe là. On va passer notre pause musicale, c'est encore un son de Tim, c'est Bel Air et donc le titre Pigalle. Le flûte enchanté. Chiné hein. Celui-là. Retour sur Sport & Chill, c'était donc le titre Pigalle avec l'artiste Bel Air. Ça fait quartier. On passe tout de suite à notre jingle débat. Sport and Chill, le débat de la semaine. Le débat de la semaine, c'est sur une fameuse liste qu'on va avoir cette semaine, une liste très importante. On dit toujours qu'il y a 70 millions de sélectionneurs. Est-ce que ce sera encore le cas? Je pense que oui. Ouais. Moi, de ce que j'ai vu, il n'y en a qu'un, hein, c'est Deschamps. C'est, alors, c'est des footix quoi. Du coup, on va être tous des footix ce soir. On va faire notre petite liste à nous et on va faire poste par poste. Mais je pense que sur au niveau des goals, on n'aura pas trop de soucis à s'accorder. Il y en a un qui va varier, je pense. Du coup, on va commencer tout simplement par le premier goal, le goal titulaire pour vous, qui serait qui, Guillaume? Hugo Lloris, hélas. Pareil, Hugo Lloris, mais sans grande conviction. Ouais, moi non plus, vu la saison qu'il fait. Je trouve pas qu'il progresse depuis 2-3 ans. C'est le plus stable dans les gros rendez-vous avec la France. C'est pas celui qui est le numéro 1 établi par Deschamps, donc voilà. C'est d'accord. Il est pareil chez les autres, je suppose. Non. Je dirais Steph, ouais, je peux comprendre. Non, je voudrais bien Stéphane Wiffy, mais il ne le fera pas. Alors, mais ouais, moi je pars du principe que en équipe type. Attention, les poulets, ça n'a pas de match de compétition internationale, c'est risqué. Non, là. C'est pas crédible, non. Non. Après, sur le talent, il pourrait être dans les 3, mais après, on verra après les 3. Il a jamais pris ces dernières années, donc. On verra après les 3, les deux autres chillers. Non, moi, même si je suis d'accord avec Tim et Guillaume sur le fait que Lloris n'ait pas progressé depuis 3 ans, c'est la personne qui a le plus de légitimité en numéro 1. Il en a fait son. Donc c'est une grande surprise. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de discussion là-dessus. Cela doit être, et ça sera Hugo Lloris. C'est le capitaine, c'est un maillon fort de l'ère des champs. Et un joueur charismatique aussi. C'est un petit peu moins. je pense qu'il est imbougeable à ce poste. En équipe de France, après pour autant on peut en discuter ensuite, effectivement ça peut être une de nos faiblesses, il fait pas une grande saison mais c'est indéniable, c'est Hugo Lloris. C'est sûr qu'on aura pas l'un des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Alors force finalement. En numéro 2, en numéro 2, est-ce qu'on peut être d'accord sur Steve Mandanda? C'est l'éternel numéro 2. Et du coup là ce qui est important, c'est qui en numéro 3? Benjamin Lecomte. Pareil que Yacine, moi je mets Benjamin Lecomte. Alors moi j'aimerais Benjamin Lecomte sur la saison, oui, mais je pense que dans la tête de Deschamps, il va plutôt mettre un jeune en troisième gardien. C'est toi que je questionne, pas Deschamps. Alors moi. Fais-toi plaisir. Alors moi, le truc c'est que. Fais-toi plaisir, mon gars. Il y a Héro là. Une petite pizza. Ruffier, Costil. Et le Margarita là. Donc Ruffier j'élimine parce qu'il est plus dans les optiques de Deschamps et même lui il veut pas être numéro 3. Pour moi ça se joue entre Areola et Lecomte. Et comme je dis, Lecomte pour moi j'aimerais, s'il mérite plus que Areola, il était plus solide. Mais je pense vraiment que en pour prenant un gage pour le troisième gardien, ouais, pour l'avenir et tout. Areola a le plus le potentiel sur l'avenir d'être le numéro 1 que Lecomte, je pense qu'il est un peu plus vieux et qu'il devrait pas. On va pas se mentir, le poste le moins important c'est celui-là, c'est le poste de troisième gardien. Donc, parce autant que, le mettre un si jeune. S'il y a un forfait du gardien, il y a quand même le gardien numéro 2 qui est devant. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment pour l'avenir qu'il le mettra. Donc. Mettre de l'intensité à l'entraînement. Non, mais c'est sûr, il mettra Areola parce qu'en plus, c'est le gardien du PSG qui joue la Ligue des Champions. Après, sur le mérite de la saison, c'est Benjamin Lecomte. On va pas épiloguer sur les gardiens parce que je pense qu'on est généralement d'accord, surtout par rapport à ce qui arrive au niveau des défenseurs. Donc on va dire donc Lloris, Mandanda, Lecomte avec une petite variante Ruffier pour Dimitri. On est tous d'accord pour dire qu'il prendra Areola par contre. On va passer aux défenseurs et on va commencer par les défenseurs centraux. Il y en a 4 à prendre. Qui selon vous, on va commencer par Romain cette fois-ci? Déjà il y a un gros changement, c'est qu'on n'aura pas Laurent Koscielny. Et pour moi, mes 4, je les voyais un peu inamovibles. Donc pour moi, on a Umtiti, on a Raphaël Varane, Barça Real, et puis on est tous d'accord sur Kimpembe. Oui, là, c'est deux titulaires pour moi même. Très imbougeable. Et pour moi, en troisième, on a Kimpembe quand même, qui est solide, qui confirme avec le Paris Saint-Germain. Après, j'ai beaucoup plus de mal sur le quatrième. Je serais intéressé parce que tu me les recites, sachant que je vois que tu les as devant les yeux. Exact. Les potentiels, si tu es là, que c'est pas trop compliqué, Rami parce Laporte, qu'effectivement, Laporte, Clément Lenglet, je le dis, Raphaël Varane, Umtiti, donc on a dit, Kimpembe peut-être pour certains en troisième, Adil Rami, Emeric Laporte, Mamadou Sakho, Loïc Perrin, Kurt Zouma, Issa Diop, et j'en oublie un, protagoniste de Clément Lenglet. Et eh ben, voilà. Je n'ai pas sur le site. Hein, si tu veux mon avis, pour moi, ce serait Clément Langlais. Et puis hésité, après, ouais. La forme de logique, ce serait plutôt. Enfin, la forme de logique, la logique de Deschamps, ce serait sans doute Adil Rami. Ah, mais voilà, pour moi, c'était Koscielny en fait. Donc, bien sûr, je n'avais pas réfléchi à cette possibilité de quatrième parce que voilà, pour moi, il n'y avait pas de débat à ce poste-là sur les quatre. Après, il peut n'en prendre que le trois. Le débat s'ouvre, je pense qu'il en prendra quatre. Ouais, et pour moi, en prend un quatrième. Personnellement, j'en prendrais quatre aussi. Et si c'était un quatrième, je le dis, ce serait Clément Langlais du FC Séville qui fait une belle saison et qui pour l'avenir et la saison qui fait, ouais. Est-ce que c'est pas obligatoire d'avoir 4 défenseurs centraux? Je crois que. Puis même Deschamps est très droit dans ses bottes. Ouais, t'as un minimum de 8 défenseurs, mais tu peux t'arranger comme tu veux. Ouais, okay, d'accord. Si t'as un mec 300 qui peut faire le droit et. Ouais, voilà. Dernier point, tu as toi-même dit que c'était notre liste et pas celle de Deschamps. Donc pensons. Ouais, oui, mais c'est par rapport à Deschamps, mais par rapport à la réglementation de l'UEFA. Bah, de toute façon, si on part sur 4 défenseurs, moi mon choix, enfin, celui de Deschamps. Paraît très logiquement Umtiti Varane, Kimpembe et vraisemblablement Adil Rami. Quant à moi, je ne changerai pas les trois premiers. C'est la dernière fois que j'entends parler de Deschamps ce soir. Très bien. Parce qu'on est d'accord. C'est viré de l'antenne. Quant à moi, je prendrai les trois premiers, Kimpembe en 3 et en 4, je confirme, je prendrai aussi Clément Langlais, que je trouve très prometteur et titulaire indiscutable avec le FC Séville. Toi qui es fan de Aymeric Laporte, Dimitri, je sais que c'est faux. Qui prendrais-tu en défense centrale et pourquoi? Le Perrin. C'est vraiment la saison, il mérite le moins par contre, là, franchement. Hein. Je suis mes camarades, je prendrai l'anglais pour sa saison. Mais pourquoi pas, comme il a déjà appelé, aller Aymeric Laporte, je lui dis ouais, c'est l'occasion jamais, pourquoi pas. D'accord. On lui laisse une chance. Tu prends Laporte plutôt que l'anglais, tu dirais toi? Non, l'anglais. Mais à moins qu'il prenne Lucas Hernandez. J'y pensais là à l'instant aussi. Ouais. Mais moi, avec les grands centrales, je prends pas, moi, Lucas. Ouais. Sait-on jamais. Du coup, ce que je comprends, c'est que vous mettez tous Presnel Kimpembe en troisième, ouais. Sûr. Ouais, c'est ça, ouais. C'est d'accord, oui, intéressant. Ouais. Moi, l'anglais. Vu ce qu'il a fait en LDC et tout, pour moi, c'est. Qui alors? Moi, je mettrais Laporte et l'anglais. Ah ouais, d'accord, tu fais dans ensemble. Pour toi, Laporte a plus de garantie que Kimpembe? Ouais. Pas pour moi. Ok. Moi, je pensais que oui. Radical. Je pensais comme toi longtemps que oui, et j'en doute de plus. Non, ouais, Laporte. Ah ouais, vu la saison que vous connaissez, un supporter d'United prendre un Citizen, c'est. Ah, c'est quand même paradoxal. Tout arrive. Peut-être que c'est un coup de com' aussi, peut-être. On va continuer avec les défenseurs latéraux. On va commencer avec Tim qui. Je vais te dire un peu ce qu'il y a comme défenseur latéraux. Il en faut 4. 4, donc si je me trompe pas, donc de la gauche, de la droite. Sidibé, Mendy, Debuchy, Lucas Digne, Bounassar, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Jordan Amavi, Lévin Kurzawa, Théo Hernandez, Ferland Mendy, Christophe Jallet, Léo Dubois, Sébastien Corcia, ou encore, on en a parlé, les deux Arnaud Souquet à Nice, ou les deux Montpellierin, Aguilar ou Roussillon. Ferland Mendy aussi, je sais pas si tu l'as dit. Mendy, je l'ai dit, ouais. Ok. Même l'autre aussi. Moi, il y en a un que je punis d'ores et déjà, hein, c'est Lévin Kurzawa. Je pars aussi du principe qu'il prendra. Enfin, je prendrai pas Benjamin Mendy parce que ça va être trop juste. Pour une compétition aussi intensive que la Coupe du Monde, je considère pas qu'il sera prêt. D'accord. Même si pour moi, ça serait le titulaire en puissance en temps normal. Ouais, encore doute, sur et du coup, je prends en arrière gauche, je prends Lucas Digne et Jordan Amavi. Et en arrière droit, je rappelle Debuchy. Intéressant. Je rappelle que Debuchy était là à la Coupe du Monde 2014 et qui a l'expérience et grandes compétitions internationales, plus qu'un Benjamin Pavard que je prends pas et je prendrai Sidibé du coup. D'accord. Quasiment d'accord. Ben oui, j'ai mis exactement ça, je crois. J'ai mis Sidibé et Debuchy à droite. Donc Sidibé, ouais, c'est le titulaire habituel de Deschamps sur les derniers rendez-vous. Debuchy, vu le retour qu'il fait, très prometteur et puis l'expérience qu'il a. D'avoir une équipe de France, donc là on est assez d'accord. Et gauche aussi, vu la saison qu'il fait avec Marseille, qui je trouve assez intéressant. Convaincant. C'est là on sera pas d'accord, hein, je pense. Et avec les autres. Toi en titulaire? Moi, je mets Lucas Digne, mais bon, c'est en grande conviction. Hein. Ouais, Digne par contre, ouais, ça me fait du mal parce que ouais, il a quasiment tiré le banc. Ouais, le truc c'est que c'est un creux. Là, on est sous les yeux là. Ouais, les gars, ma vie est Digne, vous me faites pleurer quoi. Est-ce qu'on peut mettre Lucas Hernandez à gauche? Ouais. Il a fait beaucoup de matchs cette année. Toi qui connais un peu plus la Liga et notamment le Real Madrid, est-ce que Théo Hernandez peut jouer à gauche aussi? Théo Hernandez peut jouer à gauche, je pense. Mais moi je veux du concret parce que là on arrive à la Coupe du Monde. Mais moi je prendrais pas Théo Hernandez pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'effectivement c'est pas forcément le poste de prédilection. Et puis la première raison, tu viens de le dire, c'est qu'il joue jamais malgré le nombre d'absences importantes. Donc voilà, moi je considère que si Zidane lui donne peu sa chance, je vois pas pourquoi d'un coup il arriverait dans cette liste, alors que même si on a du mal sur les latéraux, on en a des très intéressants, comme tu nous les as cités. Et du coup, à gauche, entre Mavi en fait, je me mélange. Est-ce que Aguilar c'est gauche ou droite avec Aguilar et Roussillon? Roussillon est à gauche. Bon, du coup, c'est le contraire. Ça me met en difficulté. À droite, du coup, je serais sur Sidy Bé et Debuchy aussi. Et à gauche, effectivement, c'est un chantier terrible. Donc c'est pour ça que je dis ça me fait pleurer, mais j'ai du mal à voir qui en met. Et personnellement, je prendrais quand même Benjamin Mendy, malgré le fait qu'on n'ait pas vu de la saison. Je prendrais le risque. Quitte à ce que ce soit donc... où il se pète dès le début et là t'es il était même pas dans le groupe pour dernier match. Apparemment il revient difficilement quand même. Sur le potentiel, il est tellement au-dessus des autres que je me dirais est-ce que ce serait pas le risque à prendre de l'avoir dans les 23 parce que sinon on va avoir vraiment une grosse faiblesse dans le côté gauche. Et puis le deuxième, ma logique me ferait prendre Lucas Digne parce que c'est celui qu'on a vu le plus en équipe de France qui joue quand même au Barça et qu'il a un petit peu plus joué cette saison. Après, franchement, c'est sans conviction et je suis sûr que lorsque je vais écouter Yacine et qu'il va me sortir un arrière-gauche plus intéressant, je vais le prendre. Et effectivement, sinon... Patrice Evra, il y a Yacine, s'il te plaît. Pour sa polyvalence, sachant que Dean me convient moyennement, je prendrais le risque de prendre Lucas Hernandez. Ouais. D'accord. Yacine. Comme on dit, les absents ont toujours tort, y compris ceux qui ont été absents pour cause de graves blessures. Donc Benjamin Mendy sera trop à court et comme le disait-il, il n'a pas été convoqué pour le dernier match. Je ne le prendrai pas. Moi, personnellement, je prendrai par défaut, même si je ne suis pas convaincu, en phase défensive, Lucas Digne et Lucas Hernandez. Quant à droite, je ne prendrai pas Sidy Bé, je prendrai Debuchy et Pavard. Voilà. Okay. Pour finir, Dimitri. Je comprends, hein. Petit Ruben Aguilar quand même. Lucas Hernandez et Roussillon. Pourquoi pas Roussillon? Prise de risque énorme. Là, deux mecs qui ont jamais été titulaires en équipe de France. Sécurité, c'est la défense. Quoi. Ouais, c'est quand même prise de risque là pour un rendez-vous comme ça. Ok, donc on a notre un défense, petit consensus peut-être à droite, non? Vers Debuchy déjà. Debuchy, Sidy Bé normalement. Sidy Bé et Pavard peut-être. Moi, je suis plus pour Pavard aussi. Et à gauche, un peu plus compliqué, mais. J'ai surtout l'impression qu'il y a un consensus pour dire que on sera ni bon à gauche ni à droite. Ce qui est sûr, c'est les partis politiques actuels. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un consensus sur Kurzawa. Oui, qui n'y sera pas. Mais Benjamin Debuchy aussi. Mais c'est vrai que latéraux, ça sera encore un problème. En milieu défensif, milieu tout simplement, pas milieu défensif. Alors, on a. Pour moi, c'est là, milieu c'est 6 hein, c'est 6 à prendre. Donc N'Golo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso, Thomas Lemar, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Morgan Sanson, Oussem Aouar, Steven Nzonzi, Tanguy Ndombele, Morgan Schneiderlin, Geoffrey Kondogbia. Et peut-être d'autres si vous avez Lemar, il le considère comme un milieu? Ouais, Lemar oui. D'accord, sur la liste, Bagayoko aussi, Kabay, Kapou, William Cyprien, Bagayoko, faut pas Maxime déconner. Lopez, Las Diarra, j'en ai plein. Pensé, tu vois. Sérieusement, ils ont mis Kapou dedans. Ils ont même mis Maxime Lopez hein. Ouais. Ça c'est quand même des trucs. Donc messieurs, Dimitri commence. Je te laisse commencer. Déjà N'Golo Kanté. Ouais, le gars sûr quoi. Alors, on est tous d'accord là-dessus, hein, N'Golo Kanté. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mon Kirikou imbougeable. Oui. Mon joueur favori de Lyon, Corentin Tolisso. Corentin Tolisso. Ouais, c'est avec lui aussi, je pense que la saison qu'il faut bailler. Et puis on va prendre Paul Pogba, on va dire, avec Deschamps, je pense que. En espérant qu'il, pour une fois, il monte au niveau quoi, ouais. Oui. Ouais, j'espère qu'il assume son. Il en reste trois, messieurs. Rabiot. Oui. Et Thomas Matuidi. Matuidi, bien sûr. Ouais, qui fait une très belle saison. Et donc le dernier, c'est peut-être. Est-ce qu'on est tous d'accord sur cela, déjà? Oui, globalement, oui. C'est quand le plus de garanties à Rodrigo. Tu nous demandes bien de choisir une liste personnelle. Oui. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux enlever Pogba. Ah, et j'aimerais moi aussi. J'ai clairement envie de l'enlever. J'ai clairement envie de lui mettre une petite claque, tu vois. Mais personnellement, bon. Oui, parce qu'il m'horripile depuis déjà 2 ans. Ah, donc, moi aussi, ouais. Si vous avez vu son dernier interview là, sur le site, insupportable. Énorme, ouais. Je vais essayer d'être le leader très bien, on a compris la mentalité. Il prend pour Drogba, le gars, quoi. Non, mais qui à la place? Parce qu'il en reste un autre et puis donc un remplacé. Alors, moi, bon, N'Golo, oui, sûr et certain. Matuidi, oui. Tolisso, oui. Rabiot, oui. Les deux derniers, bon, qui est-ce que tu as cité en dehors d'eux parmi les plus crédibles, hein, en enlevant Capou et. Il y a Nzonzi à Séville qui fait une très belle saison. Lemar en milieu. Lemar. Moussa Sissoko, l'éternel. Sanson, pour ceux qui repartent dans le côté marseillais. Oussama, ouais, peut-être déjà. Nzonzi, Aouar, à Lyon. Trop frêle encore. Ndombele. Touzard à Lyon. Non, Touzard, non. Ou vous prenez moins de milieu. Moi je prends moins de milieu et je prends Lemar en numéro 5. Lemar est considéré comme un milieu, je vous rappelle. Ouais, voilà. Du coup, t'as que 4 milieux de métier par contre. Ouais, bah, ça suffira. Enfin, si on connaît des idées, si tu es en 4-3-3, bon, à la rigueur, tu peux jouer en 4-2-3. Avec un relayeur un peu plus offensif devant. Donc, d'accord, je mettrai Lemar à la rigueur, oui. Ouais, ouais. Personne d'autre, personne a une petite préférence pour un autre. Moi, j'ai dit Nzonzi, mais voilà, vu que j'aime bien le style de joueur. J'ai vu en Ligue des Champions ce qu'il faisait, ça m'a plutôt convaincu. Ça va hérisser les poils, mais moi, j'hésite entre Payet et Lemar, quoi. Payet est considéré comme un attaquant, plus. Ah bon? Ouais. Il est sur la liste et... Bon, on peut le mettre en... Ah, mais d'accord, bah ok, bah... Ouais, sur la liste, c'est plus attaquant. Bah, du coup, je mets Lemar, alors. D'accord, ok. Ouais, bon. Non, moi, je pense qu'on est d'accord sur les 4 premiers, effectivement. On a dit Matuidi, Rabiot, Tolisso et N'Golo Kanté, bien sûr, même en numéro 1. Et derrière, Pogba, par rapport à sa saison, il m'énerve un petit peu aussi, ça c'est clair. Moi, je verrais Thomas Lemar sans nul doute. Et derrière, bon, sur la régularité, non pas de ses performances, mais d'être pris dans les listes, j'avais gardé Pogba personnellement, hein, je le dis quand même, malgré le fait qu'il puisse m'agacer autant que ça. Après, à prendre un autre, ce serait sans doute Steven Nzonzi pour moi. Ok. Oui, on va finir par les attaquants. On va finir par les attaquants. Je vais peut-être même commencer pour les attaquants cette fois-ci. Antoine Griezmann, tout le monde est d'accord? Kylian Mbappé, tout le monde est d'accord? Oui. C'est peut-être les deux seuls finalement qui pourraient faire consensus. Ouais, c'est ça. Avec Giroud peut-être. Giroud, est-ce que tout le monde est d'accord? Moi je le prends, mais. Moi je le prends. Qui fait quand même bien rage. Et là, ça commence à être compliqué. Parce qu'il y a 6 à choisir. Il y en a 3 à choisir parmi encore. Donc alors je vous le dis, Ousmane Dembélé, Florian Thauvin, Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, Kingsley Coman, Karim Benzema, Anthony Martial, Kevin Gamero, Wissam Ben Yedder, Gignac, Valbuena, Valère Germain. Bon, là, c'est un peu plus drôle. Bon, Nolan Roux, Moussa Dembélé. Ah, Nolan Roux, quand même. Cabella, qui fait une bonne fin de saison à Saint-Etienne. Ouais, dans les attaquants, qu'il était lors 2014. Moi, je le prends pas à l'équipe type de Saint-Etienne, tu vois. Puis, c'est tout. C'est dur, Léa. En freeride. Messieurs, Tim, allez, je te laisse. Moi, les 3 que je choisis, il y a peut-être un choix qui va être incompréhensible. Je prends Fekir. Coup, j'avais mis Lemar au milieu, mais du coup, je prends Payet. Et en 3e, je prends Dembélé. Du coup, je prends pas Thauvin, ni Martial, ni Coman. Et du coup, je prends qu'un avant-centre avec Giroud, enfin deux métiers. Ouais, tout en disant que les autres peuvent. Que Mbappé ou Griezmann. Parce que je me dis que Mbappé peut jouer en pointe. Notamment. Ouais, pas non plus incroyable. Donc voilà. Ben moi, du coup, oui, Fekir, oui, je le prends parce que je pense que si un joueur de grande qualité, il va revenir. Donc je le prends. Malgré sa saison d'Anti. Ouais, mais quand même, quand il a été là, je pense qu'il a été décisif quand même. Hein. Et même, on l'a vu déjà en équipe de France qui était assez intéressant. Okay. Ben Yedder, après, j'ai envie de le voir. Il m'a quand même bien emballé sur les matchs des champions où je l'ai vu. C'est un profil aussi atypique, un vrai neuf qui est différent de Giroud, mais. Plus à l'espagnol. Plus à l'espagnol, et ça me plaît ce style. Hein, et après, je mettrai aussi Dembélé qui. Ça a quand même du feu dans les jambes. Ouais, il y a du feu dans les jambes, il y a du talent, il joue à Barcelone, bon, même s'il fait pas une saison non plus incroyable, le problème c'est que les Martial ou les Coman et tout comme ça, ils ont été encore moins réguliers. Mais Thauvin, le problème c'est que j'ai pas de garantie quoi en fait. Ouais, sur les gros matchs, il m'a quand même beaucoup déçu quoi sur le peu que j'ai vu, donc chaque fois que j'ai vu des gros matchs de Marseille, Thauvin, j'ai trouvé assez inexistant. Mais encore les gros matchs, est-ce que on peut dire que c'est des gros matchs? Ouais, alors, pseudo sans, gros match, sans manquer de respect à Marseille, c'est pas la Ligue des Champions encore. C'est clair. Oui, non, mais je veux dire, déjà les gros matchs européens, on l'a pas vu Thauvin, les gros matchs Thauvin, de Ligue 1, gros match chez Leipzig, Dembélé, il joue des fait, ça peut mais c'est pour ça qu'il y a un décalage, c'est ce que je veux dire, les gros matchs de Marseille en tout on cas, on a pas de certitude emballé, sur Thauvin face à de grosses équipes. Voilà, on imagine en Coupe du Monde, ça sera encore pire. Donc c'est pour ça. D'accord. Pourtant, il a beau faire une très belle saison, ça je suis d'accord, mais après le palier est encore trop loin pour moi. Ouais, moi je prendrais donc bon, on enlève les trois autres où on a été à peu près d'accord. Donc derrière je prendrais Nabil Fekir aussi. Déçu de l'avoir moins vu en fin de saison, mais pour moi c'est un leader technique et c'est un vrai joueur qui peut être décisif. Il a un profil un peu unique je trouve dans l'équipe. Hein. Ensuite, ouais, étant tellement divisé et ne voulant pas prendre que des ailiers, je fais comme mon Guy, je prends Wissam Ben Yedder pour mais avoir ouais, un autre profil d'avant-centre différent de Giroud et parce que je pense qu'on rendra pas forcément service à Mbappé en le mettre en pointe. Surtout ça, ouais, je pense aussi. Fan du football espagnol et peut-être fan d'un numéro 9, il y a aussi Gamero. Oui, il pourrait y avoir Gamero. Mais il mérite pas d'être en équipe de France. Ouais. Mais voilà, cette saison, je dirais plus Ben Yedder. Voilà. Ouais. Après, ce qui est surprenant, c'est que du coup, je suis en train de vous mettre un sévillan à chaque ligne, alors que j'ai été plus déçu de Séville que des... malgré leur beau parcours en Ligue des Champions que les autres saisons. Ah, et donc, mon troisième nom, écoutez, moi, quand même, sur la fin de saison, je vais peut-être faire rugir du monde, mais je dirais Dimitri Payet. Parce que je prendrais un Marseillais, j'hésitais entre Payet et Thauvin, et je pense qu'au niveau international, Payet aura plus de garanties, malgré la meilleure saison de Thauvin en régularité. Yacine. Est-ce que tu m'autorises à prendre 4 joueurs vu que j'en ai enlevé un au milieu de terrain? Eh ben oui. Allez, va. Ça me ferait 23 hein, tout. Allez, fait, allez. Hein. C'est très bien, merci. Allez, c'est une liste à 30 jours. C'est vrai, c'était pour toi, quoi. Du coup, oui, Giroud, Griezmann et Mbappé. Oui, pardon, parfait. Mbappé, j'hésite. Parfait. Alors bon, moi, je prends Dembélé. Je prends la Lacazette. D'accord. Ouais. Les deux derniers, je suis un peu plus dubitatif, Ariane, sur lequel j'hésite vraiment entre Payet et Fekir, mais je prendrais Fekir. Ouais, pour le talent. Quant au dernier, qui serait Thauvin, je le prends sans grande conviction, dû à son manque d'expérience au niveau international, mais je le ferai jamais débuter les matchs. Donc, pour avoir de l'expérience internationale, il faut qu'il soit sélectionné. Il faut bien qu'il commence, donc je le sélectionne. Vous verrez, Thauvin, il va être pris comme on avait pris Cabella à l'époque. Voilà, ouais, c'est Deschamps, c'est sûr que là. Je le prends, mais il commencera pas les matchs. Ouais, allez, il y aura quand même des choix forts. On termine avec Dimitri. Ouais, bon. Donc, moi, je prends Griezmann et Mbappé. Je ne prends pas Giroud. Je prends Thauvin et Fekir. Ouais, ok. Je prends Dembélé. Ouais. Celui de Barcelone. Pour l'instant, t'as un numéro 9. Hein. Ouais, et je prends. Alors, t'as pris la casette, excuse-moi. Et je prends l'autre Dembélé, le Celtic, parce qu'il fonctionne aussi en export. Ah ouais. Moussa Dembélé. Ah ouais, là tu te chasses. Ah, il tend des surprises. Là, c'est le Chibonda. Ah, Dimitri, ce soir, il nous tend des coups. Il a encore moins d'expérience. Parce que moi, je manque d'équilibre quand même. Si Dédé nous prend Moussa Dembélé et Ruchier en même temps, Moussa Mawar au milieu. Je serais surpris. Et Maxime Lopez pour l'expérience. Très bien. On va terminer. On va terminer là-dessus. Je pense qu'elle sera pas très loin de la liste. Là, on peut en parler de Didier Deschamps. Surtout qu'on connaît le bonhomme. Donc, est-ce que Sissoko y sera par contre? Non, plus le videur de boîte, c'est bon là. Non, il joue pas à Tottenham, il veut pas y être. J'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. On attend de voir tout de même. Je pense pas, mais. Pour le coup, il prend pour charisme. A noter que personne n'a dit Bounassa non plus. Il nous le réserve, moi, franchement, je serais pas étonné qu'il nous le prenne. Allez, on fait notre deuxième pause musicale, c'est Todd Terrier et le titre Alfonso Musket Under. c'est retour sur Sport & Chill. C'était Todd Terje, c'est ça? Todd Terje, c'est un Norvégien. Et le titre, c'était Alfonso Maskedonda. Je sais pas si j'ai un bon accent norvégien. Pas incroyable, mais ça va. Allez, on repasse encore sur le sport montpelliérain. Sport & Chill, le sport montpelliérain. Pourquoi ce retour sur le sport montpelliérain? Parce qu'il y a eu un événement international cette semaine avec le FIS, Festival International de Sports Extrêmes. Et donc depuis mercredi dernier, je fais un large retour hein, avant de vous, que je vous laisse vous exprimer. Oui. Plus de 500 000 personnes ont arpenté les berges du Lez à Montpellier, en plein cœur de Montpellier, pardon. À noter que... De quoi? À défaut d'être en plein cagnard. Ouais. À noter que sur les 4 premiers jours, la fréquentation était en progression de 23% tout de même par rapport à 2017 avec 515 000 entrées. Mais la dernière journée, très pluvieuse, n'a pas permis de battre le record de 600 000. Mais sinon, ça aurait été bien battu presque vers 700 000, entre 700 000 et 800 000. Oh, c'est dans... On l'a senti. Ouais. Toutefois, avec ce chiffre tout de même, le festival maintient sa troisième position des événements sportifs en France et premier dans l'univers des actions sport à l'échelle internationale. J'en ai déjà parlé avec Yacine, mais est-ce que vous savez dans les deux premiers des événements sportifs en France qui rassemble le plus de monde? On en a parlé avec... Il y a des événements qui ont lieu chaque année, du coup? Ouais. Bah, c'est pas Roland. Il y a le Tour. Le Tour de France. Tour de France, ouais, forcément. Ouais, ouais, Tour de France, forcément. Il y en a un auquel on pense pas forcément, mais qui prend beaucoup de sens quand on y réfléchit. Deux. Vous savez pas. Profanos. Mais je sais le trouver. Vous êtes. C'est pas un sport très connu. Enfin, c'est moins connu que le foot. Que le. Bah là, les influences à la Bosson. C'est le Tour de Touquet. Non. C'est pas le Festival de Cannes, non? Non, je vous le dis. C'est pas l'Enduro Cross du Sud. Le Vendée Globe. Le Vendée Globe. Bien sûr. C'est vrai. Et donc, parce que le FIS World Series est depuis l'origine, donc ça fait 20 ans, une plateforme d'expression pour l'ensemble des pratiques d'action sport, ce n'est pas moins de 7 sports et 14 disciplines qui ont été mises à l'honneur pendant l'événement, représentés par 1900 sports. Tout de même, pro ou amateur, du BMX au parcours en passant par le skateboard, le roller, le mountain bike, la trottinette, le wakeboard. Tous les jours, pas moins de 20 à 30 compétitions étaient organisées. Parmi elles, donc, il y avait 4 Coupes du Monde et 2 disciplines rentrées récemment au calendrier olympique, le BMX Freestyle Park et le skateboard. Au niveau des résultats et au niveau des résultats français, ils ont particulièrement été compétitifs cette semaine, portés par un public montpelliérain toujours aussi impliqué, on l'a vu. Donc on va noter les belles performances de Mathias Dandois, sextuple champion du monde, qui remporte la deuxième manche de Coupe du Monde UCI de BMX Flatland de la saison, devant un certain Alex Jumelin qu'ils avaient reçu précédemment les dernières saisons à Sport & Chill, qui a fini deuxième, qui a 40 ans quand même, Alex Jumelin. Je l'ai vu, il est en grande forme encore. Hein. Nicolas Servi et Romain Godener qui terminent respectivement 1er et 3e de l'étape de Coupe du Monde World Series de Roller Freestyle Homme. Manon Derien qui prend la 3e place de la Coupe du Monde World Series de Roller Freestyle Femme. Vincent Milou qui remporte la compétition de skateboard, fais la blague si tu veux, de skateboard street discipline désormais olympique, devant Aurélien Giraud qui finit 3e, un autre français, ouf. Maïva Lanier qui décroche la première place du contest de skateboard street. Et enfin Thomas Lemoine qui fait 3e de mountain bike freestyle. À noter dernièrement tout de même, pour nos invités qu'on a reçus cette année à Sport & Chill, il y avait Aurélie Godet, vous en rappelez peut-être, en wakeboard, qui avait 15 ans et qui a fini 3e du toujours concours. 15 ans d'ailleurs. Toujours 15 ans. Dans 5 ans aussi d'ailleurs. Ah, on sait jamais. Qui a fini 3e du concours de wakeboard. Celle qui a gagné, c'est Claudia Panini. Vous pouvez faire une blague là-dessus. D'ores et déjà sa vignette, ça s'invente pas. Qui est une Italienne de 17 ans qui s'impose devant une autre Française de 25 ans qui est de Toulouse, Marie Rougier, donc devant notre champion Héroltès qui a fini 3e. Donc bravo à elle. Bravo. Il y avait aussi Maëlys Jouy qui en journée de la femme, vous vous rappelez plus, sur le VTT Trial. Qui a fini 3e de BMX Freestyle aussi, donc 3e place pour nos invités montpelliéraines. De beaux résultats. On va passer un petit peu à vos retours personnels, notamment vos points positifs sur ce FIS. Je sais pas si tout le monde y a été, Romain non, parce qu'il avait prévu d'y aller dimanche, bravo à lui. J'ai tout senti quoi. T'as suivi la météo, mon pauvre, toi. Et du coup, peut-être Yacine, peut-être un retour sur les points positifs. Qu'est-ce qui t'a plu sur ce FIS, et quelles sont les performances, quels sont surtout les sports qui t'a. qui t'ont plu? Bah, j'ai beaucoup aimé le wakeboard, j'ai bien aimé aussi le mountain bike, comme d'habitude par son aspect spectaculaire. Après, gros point aussi positif, l'affluence qui ne démérite pas comme d'habitude et qui aurait encore une fois certainement battu un record si la pluie ne s'y était pas mêlée. Parmi les points négatifs, ça c'est plutôt aussi un souci d'ordre logistique, les différents points d'accessibilité, d'accession. Ah ouais. Il n'y avait que deux, je crois, au final. Ouais, je crois, mais c'était... Non, c'était réduit à la fin, mais en fait, il y en avait cinq au début. Je crois qu'ils ont réduit au moins par deux, parce que... Pour les raisons de sécurité. Ouais, voilà, les agents de sécurité dont ils avaient disposition. Ouais, c'était leur nom. Donc, c'était plus très compliqué d'accéder au FIS. Pourtant, c'est 50 000... mètres carrés, donc c'est énorme. C'est génial, super étendu au final. Mais c'est très difficile d'accès en tout cas. Ouais, c'est mal géré, ça. Voilà, et puis encore une fois, rajouter au point positif pour la vitrine qu'est le FIS pour Montpellier. Là, faut oublier que Montpellier pour le FIS, il y a 3-4 villes qui organisent le FIS à l'échelle mondiale. Un petit peu plus maintenant, mais c'est vrai que c'était très peu. Mais c'est quand même des villes qui sont mondialement connues, même si Montpellier est aussi connu, mais c'est Budapest, c'était Hiroshima cette année qui a aussi drainé beaucoup de monde. Montpellier, encore une fois, confirme la vitrine en termes de capacité d'organisation, en plus avec un... Bien réalisé, ouais. Ils n'ont rien envie en Budapest, par exemple. Oui, c'est... et puis en plus, sur les berges du Lez... Cette année, il y en a six, en termes d'organisation pure. Il y a Jeddah, c'est où? C'est en Arabie Saoudite. Hiroshima au Japon, Montpellier, Edmonton au Canada, sur le prochain. Shenzhen, Budapest et Chengdu en Chine. Voilà, donc Montpellier, encore une fois, confirme. Et puis sur les berges du Lez, c'était aussi un très très beau théâtre. Donc, Est-ce que vous avez vos points négatifs et points positifs pour vous? Peut-être Guillaume, toi qui as été aussi. Oui, moi je suis quand même surpris que le monde afflue comme ça de plus en plus, alors qu'ils ont passé au système de tickets. Ouais. Quand même, faut quand même réserver le ticket. Depuis alors qu'avant, dernière, c'était pas le cas. Mmh. Et finalement, ça n'a pas baissé l'affluence. Donc ça, c'est quand même un point positif. Ça prouve que les gens veulent y aller. Ils ont la démarche de le faire. Pas par hasard, voilà. Après, voilà, le petit point négatif, ça reste quand même l'attente. Parce que moi, je suis allé, je crois, le jeudi, le vendredi, avec que deux entrées. Donc ça, c'est quand même galère. Il faut tout contourner et tout. Et on a quand même le sentiment où on se dit, ouais, il y a quand même mieux à faire. Après, oui. Parce que sinon, au niveau sécuritaire, amasser après, des foules, c'est compliqué aussi. Ouais, parce que le truc, c'est que pour ces entrées, ils peuvent pas prendre des mecs du bénévolat. Parce que la fouille, elle doit être assurée et assez sérieuse, donc ils peuvent pas prendre des mecs lambda, leur dire vous faites un peu la fouille comme ci, comme ça. Donc je pense que c'est des mecs formés. Alors je comprends, parce qu'en termes de sécurité, je comprendrais toujours, mais c'est quand même un gros festival, il y a quand même les moyens d'embaucher plus de. Après, sur la compétition elle-même, moi je me suis. Chaque année, c'est un petit peu le rituel avec quelques potes, voilà, tu passes un bon moment, il y a les épreuves du BMI qui sont toujours spectaculaires, notamment celle de l'hôtel de ville qui promet toujours un sacré spectacle. Après voilà, c'est quand même un événement sympa parce que tu peux voir plusieurs disciplines que tu n'as pas l'habitude de voir habituellement. Effectivement, le wake, c'est quand même très impressionnant de le voir dans ce cadre là en plus, qui est assez sympa. Voilà, c'est quand même très varié, il y a de quoi faire, il y a de la compétition de très haut niveau quand même au final. Donc ouais, c'est toujours une ambiance sympa et un bon rendez-vous de sport chaque année qui est finalement quasiment immanquable pour les Montpelliérains, parce que c'est l'occasion de voir des sports qui sont variés, qui sont pas forcément toujours médiatisés, et là pour le coup c'est l'occasion de les voir de plus près, donc c'est toujours agréable et intéressant à voir quoi. Et quand je vois que mon Guy va à des compétitions de vélo, moi ça me rend encore plus heureux quoi. Et ça prouve que je m'ouvre hein. Bon après ils sont pas dopés eux, donc pour le coup ça non je rigole enfin elle a déchiré, je sais que celle-là vraiment elle accepte pas. Oui, j'ai vu le speed jump là qui est pour le coup c'est spectaculaire quoi, là il descend le mountain bike là, ça descend très bas et ça remonte très haut, c'est quand même impressionnant quoi. Là par contre tu dis toujours jusqu'à ton estime. Une fois que je suis monté encore plus haut, je crois, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que tu te dis toujours, quand ils arrivent en bas, putain, la remontée, elle va être dure quoi. Un bon point positif, c'est aussi les personnes qui sont venues à Montpellier, et pas des moindres. T'en as parlé tout à l'heure, Laura Flessel qui est venue, la ministre des Sports, mais aussi Tony Stanguet la veille, aussi, qui était là. Bon, après, avec différentes personnalités d'internet ou même d'autres, ou même politiques ou quoi que ce soit, mais même Laura Flessel a parlé hier en disant que Montpellier pouvait être une des grosses bases de centres d'entraînement pour les Jeux 2024. Ah, c'est intéressant. Donc c'est très intéressant. Pour le Wake notamment. C'est très intéressant, mais même pour le BMX. C'est intéressant de montrer Montpellier aux yeux du monde et notamment aux yeux des politiques. J'oublie aussi un point fort qui est quand même très agréable de plus en plus sous le temps. Le climat finalement qui a gâché la fête sur la fin. Mais après, non, je parle. Il y a un sentiment qui est très agréable dans ce genre de discipline, c'est qu'on sent vraiment les compétiteurs très ouverts au dialogue. Et c'est vrai que c'est rare quand même, parce que quand on voit, je parle pas du football, mais même du rugby ou tennis, ou même si c'est des sports un peu plus populaires, on va dire. Ils sont pas trop médiatisés, alors là, quand ils ont un casque comme ça, ils sont un peu plus réceptifs. Ouais, c'est quand même vraiment, ça fait du bien, quoi. Tu vois, les mecs qui s'arrêtent, qui n'hésitent pas à discuter. Voilà, moi j'ai croisé Alex Jumelin qui va très ouvert, qui discute, qui prend le temps. Pourtant, plusieurs fois champion du monde. Pourtant, voilà, c'est quand même un sacré client. Il a un gros palmarès, c'est quand même une star de la discipline, et c'est quand même, voilà, on sent qu'il y a une ambiance vraiment cool, apaisante et humble autour de cette compétition, et ça c'est quand même très agréable vu la globalité du sport qui devient de plus en plus difficile d'accès et malheureusement moins populaire. Là on sent quand même le côté populaire qui est très fort dans ce festival là donc ça c'est agréable. Est-ce que quelqu'un d'autre a réagir sur un peu le FIS, peut-être Romain, tu vois? Il y a un dernier point en n'y étant pas allé donc que je peux évoquer malgré tout, c'est la diffusion. Je trouve qu'il y a une diffusion de plus en plus importante, de la part des CFR Sport effectivement, et où on peut voir la plupart des compétitions, et moi c'est vrai que je trouve que c'est un plaisir à la fois, parce que voilà, on voit nous en tant que Montpelliérain notre ville mise en avant, et puis parce que ces sportifs le méritent bien, et que c'est un événement, comme vous l'avez dit en tout début de retour majeur maintenant en France et à l'international, et voilà, pour ma part j'ai le plaisir d'aller au FIS. L'année dernière je m'étais régalé, je me régale aussi à découvrir que d'année en année on rajoute de nouvelles disciplines et de belles disciplines comme le wakeboard. Je pense aussi à tout ce qui est développé autour du parcours, et donc bientôt lié aussi à l'escalade, hein, où il y avait les blocs depuis l'année dernière, je pense. Ça fait découvrir chaque fois des nouvelles disciplines, et effectivement je trouve que cet enjeu aussi de diffusion est super important, parce que voilà, par exemple cette année j'ai pas pu me régaler de venir comme vous au FIS, mais j'ai pu voir des images, et on a toujours des magnifiques images de ces compétitions, si impressionnantes. C'est des mecs qui le méritent et tout, c'est quand même, et avec une très bonne mentalité. C'est vrai que c'est le seul point noir, c'est cette pluie qui s'est invitée le dimanche pour les finales. C'est vrai qu'en termes d'enjeux, parce qu'en fait, tu termines un peu sur une note. Les résultats des finales c'est les meilleurs demi-finalistes. Ouais. Mais bon, c'est quand même l'enjeu du final, c'est quand même différent, quoi. Tu vois, c'est ils devraient être conscients, je pense, les athlètes, qu'il y avait justement un risque et que la demi-finale allait être plus importante que prévu. Ouais, je pense qu'ils l'ont anticipé aussi. On a dû leur dire, il y a des risques de pluie, donc donne tout pour cette demi. Après, c'est des sports soumis à la météo, malheureusement. Ouais, et on sait qu'avec un BMX, à peine un millimètre de pluie, c'est très dangereux. Ouais. Déjà que les chutes sont dures, là, tu vois les prises de risque qu'ils prennent. Si en plus il y a la pluie qui s'invite, très bien, très bien. Ok, on va pas tarder. On aurait bien voulu parler un peu plus, mais sinon, on n'aura pas le temps de terminer l'émission. Surtout qu'il y a quelque chose de très important qui arrive, c'est Jingle Quiz. Aïe. Sport and Chill, le quiz. Putain. On va mettre la petite musique qui fait peur, parce que je sais que c'est important pour vous. Yacine et Dimitri, vous jouez ensemble? On fait ça. On va commencer avec... C'est un quiz plutôt, je trouve, facile, avec des... C'est bon pour moi, ça. Avec des sports communs, on va dire. Il n'y a pas de sport... Pas de cyclisme commun, du coup. Du cyclisme, je crois qu'il y en a une seule. Mais sinon, c'est du foot, tennis, rugby, du classique. Ouais, on connaît, quoi. On va faire un tour de table. Le Hambourg SV s'est fait reléguer en Bundesliga pour la première fois depuis la création de ce championnat. En quelle année? Ils ont été créés? Ouais, rapidité ou c'est... Non, c'est les tours de table. Tu peux commencer, Romain. Il était chaud, je démarrais. Parce que... Non, mais je suis pas sûr du tout, je sais pas. J'ai 1963 qui me vient comme ça, mais... Oh là, l'inspiration. 63. Je suis pas sûr, mais on va dire 62. 62. 61. Et ouais. Ça se trouve, il est parti sur une mauvaise piste quand même, là, les gars. Tout le monde se met autour de ma date, peut-être. Peut-être ou peut-être pas que... Peut-être pas. Regarde-moi dans les yeux. Allez, 1956. Allez. Pourquoi? Point pour Romain, 63, c'était pile. Tout pile. Ah, ouais. Ouais, il avait une idée en tête, mais c'était la bonne quand même, hein. C'est pas au hasard quoi. Balèze. Ah, il fait genre en plus. Il a fait genre, il savait pas. Ah, il est bon comédien celui-là, attention. Hein. Franck Leboeuf qui est là. Allez, deuxième question. Bah non, justement, quelle est le seul. Rapidité, quel est l'autre club qui n'est jamais Bayern descendu Munich. Bayern Munich, point. Ouais, forcément. Pas de surprise quoi. Point pour le duo Yacine Dimitri. Solide. Qui a dit rapidité. Nous savons que nous devons être les meilleurs au prochain match. Nous n'avons pas vraiment bien joué des deux côtés du terrain. C'est une très bonne équipe en face. Ils ont très bien joué pendant ces playoffs. Bon nombre de joueurs se sont révélés pour eux et ont joué un basket très efficace. LeBron James. LeBron. On ne va pas sonner l'alarme. Nous allons nous pencher sur la plaquette et trouver ce que nous pouvons améliorer en défense. Tyrone Liu. Et laisser l'attaque retrouver sa voie, pardon. Thompson. Non. Bad Steven. Non. Théo Gauzier. Non. Chris Paul. Non. James Harden. Non. Ouais, j'ai dit. Curry. Durant. Non. Le coach des Cavs. Non, c'est chez les Cavaliers, en effet. Kevin Love. Kevin Love. Ah, Kevin Love, bien sûr. Allez, je mets un point aux deux, Guillaume et le duo Yacine Dimitri. Kevin Love, intérieur des Cavs de Cleveland après leur défaite contre Boston. Rapidité. Quel est le record que Nadal a battu contre Tim malgré la défaite? Le nombre de 7 consécutifs, 50. Ouais, c'est ça. Point pour Tim. Ah, il est débité le poulet là. Même pas le temps de respirer. Rapidité. Tour de table. L'ancien record était 49-7 d'affilée. Qui c'était? Djoko. Djoko. C'est un ancien joueur. Moi je dirais Pete Sampras. Pete Sampras. Non, on fait rapidité. Pas sûr du tout. On fait rapidité. Du coup, si c'est rapidité, c'est pas ça. Non, c'est pas les deux là que vous avez dit. Du coup, Agassi. Non. Je l'ai su, mais. McEnroe. En 78, ouais. 49 d'affilée. Joli. Depuis. On va faire. Tour de table. Depuis 2009, c'est au rugby. Hein. Soit la première fois que le Leinster s'impose dans cette Coupe d'Europe de rugby. Combien de clubs ont gagné la Coupe depuis 2009? Depuis la première victoire? Non, depuis la première victoire de Leinster, ouais. À savoir en 2009. Depuis en 2009, ans, quoi. À savoir en moins de 10 ans, en 9 ans. Combien de clubs ont gagné? Différents. Ouais. Ouais, c'est rapidité? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Non, on va faire un tour de table. Il y a... Pas tant de clubs que ça, je trouve. Je vais dire 2009, le Leinster s'est imposé. Je vous donne juste la petite information. Le Leinster s'est imposé pour la quatrième fois. Moi, je vais dire 3. 3 clubs différents. 4. 4 clubs différents. Yacine, Dimitri. Est-ce que je peux réfléchir? Non. Je vais dire 4, ouais. 4. Ouais. J'hésite entre 4 et 5, c'est terrible. Ouais, je vais prendre le risque. 5. Mais j'ai peut-être tort. Sans doute. 5. Ah non. Ouais, il faut rester safe des fois. C'est 4. C'était 4. Alors, Leinster, 2009, 2011, 2012, 2008. Toulouse une fois, 2010. Les Saracens en 2016. Les Saracens deux fois, 2016-2017. Et Toulon trois fois, 2013, 2014 et 2015. Je voyais un club anglais de plus. Team. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire. Les montées. Qui a dit rapidité? Certaines personnes disent qu'on est vieux et moche. Team. Chiellini. Bonucci. Chiellini, putain. Giorgio Chiellini. Était dur, salon. Mais à la fin, c'est toujours nous qui gagnons, comme d'habitude, et les autres restent tristes chez eux et nous regardent fêter le titre. Il y a des personnes qui ont manqué de respect à la Juve et qui devraient s'excuser. Je sais pas si je devrais mettre des points à Yacine sur la série 1. Ouais, bon, c'est un club concurrent. Je devrais avoir un malus, certainement. Après l'énième élimination, après l'énième coup d'éteau, pardon, de la Juve, une punchline à destination notamment de Lorenzo Insigne, le Napolitain qui avait taclé la Juve quelques semaines plus tôt. Ouais, calmé. On a dû attendre avant de parler. Oui. Tu es là, ma cougar. Tour de table. Les Coccinelles, on en a parlé tout à l'heure. Ah. Ouais. Sont une nouvelle fois championnes de France. À combien sont-elles de titres de championne de France? Rapidité? Non, tour de table. Romain, toi qui avais 17 tout à l'heure, est-ce que tu confirmes? Je confirme pas. Je pense que celui qui confirme aura tort de confirmer. Par contre, je sais plus si c'est plus ou moins. Et là, je sais vraiment plus. Je vais prendre un risque. Je vais dire 8. 8 On partait aussi sur ce chiffre. 8. Je voulais dire 8 aussi. 8. 7. On va prendre de risque. Ouais, 7, pas besoin de me regarder, je confirme. Il avait quand même dit que c'était pas ça, mais c'est pas grave. J'ai dit que c'était pas ça. Ah, je sais pas qui c'est. Du coup, on a tous tort. Du coup, est-ce que vous laissez notre chance, les gamins? Bah, j'avais pas écouté, non, les garçons. Non, hein. C'est puni, c'est quand même. C'est punition. Mon type bien objectif, quoi. Toi, ouais, mais bon, ça va, on est pas à la cour de récré, bonhomme. Hein. Alors que, bon, il est toujours content quand. De vrai, c'était 9 fois. Ah, c'était 9 fois championne de France. Du coup, je vais pas donner de chance à Guillaume, mais je donne pas de points, du coup. Forcément, il n'y a pas de raison qu'on en ait un. Ouais. Vous étiez les plus proches tout de même. Oui, oui, mais bon, c'est tout. 9 titres de championne de France et une fois championne d'Europe. J'avoue. Qui a dit rapidité? Je reste sur mon objectif de podium. On verra au fur et à mesure de la course pour essayer de faire mieux. J'aurais bien voulu gagner pour être tranquille avec ça. J'aime gagner des étapes, donc c'est dommage. Thibaut Pinot. Point. Il y avait beaucoup de vent aujourd'hui. Ça a montré qu'il était le plus fort aujourd'hui. Thibaut Pinot, deuxième hier au Giron. Point pour Romain. Foot, tour de table. Arsène Wenger, après 1235 matchs, a quitté Arsenal en gagnant 1-0 ce week-end contre Huddersfield. Combien de pourcentage de victoire pour l'entraîneur français à Arsenal? En première ligue ou en tout? Arsenal. Première ligue. En première ligue. Attends, mais pas ligue. Ah non, Arsenal. Tout confondu, général, ouais. Je vais vérifier quand même pendant ce temps-là. Vous commencez le duo là-bas, au fond. Allez, vous, au lieu de chuchoter là. Ça va voir dans le fond là. Ouais. Pas le baisse-bas sans le curé, hein. Attention, voilà. C'est au fond. Allez. Vous dites combien? 65. Attends. Ouais, c'est avec les questions. C'est dit, hein. C'est 65, bon. C'est on dit. On a pas laissé une seconde chance. Tim. Je vais dire 58%. 58. C'est ce qu'on avait dit au début. Je crois qu'il a raison, Tim. Je sais pas si j'ai pas vu c'est ça. C'est ce qu'on avait dit au début. T'es sûr de toi, Timothée? Ouais, c'est une intuition. Ouais, tu parles, lui c'est un bluffeur, lui il m'aidera pas, hein, je le sais. Allez, 60. 60. Moi je pensais moins que ça, alors je vais dire 56. 56. C'est bon, là tout le monde a dit, c'est vrai. C'est 57,2, donc 58 ça passe. J'hésitais de. Putain. 57,2, 56, 58. Oh, elle a arraché celui-là. Sachant qu'il y a 3 titres de champion d'Angleterre, 6 FA Cup, 6 Community Shield, finaliste de la Champions League en 2006 et finaliste de l'UFA. Mes amis, c'est serré cette histoire, non? C'est serré, je le dis pas pour l'instant. Qui suis-je? C'est un qui suis-je rapide. Très très rapide même. Formé dans le sud-ouest de la France, j'ai joué à Montpellier, au Racing ou encore à Brive. Demi de mêlée, je me suis incliné en finale de Champions Cup ce week-end. Teddy Iribarren. Moi j'ai failli l'avoir. Point. Qui a joué en finale pour Romain. Au vu de l'absence de Maxime Machin. Formule 1, tour de table. Année compliquée pour Romain Grosjean. Il a participé à 8 saisons de Formule 1 avec Renault, Lotus ou encore As. Ouais. Quel était son meilleur classement général en fin 8e. De saison? 8ème? Ouais. Je suis. Ou peut-être 7. Tu as dit que c'est 8. 8ème. Putain, je crois que c'est 8. 7. Je veux dire 7 alors. 7. Ah, c'est 7. 7. 7. 7. Moi j'avais en tête 7. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Mais ouais, regardez. C'est 7. Je l'ai senti, hein. Je l'ai senti. Point pour Romain, point pour Tim. Il a pas indiqué la bonne réponse, celui-là, tiens. Nous aussi on a dit 7. Hein. Oui, oui, je sais. Ne vous inquiétez pas. T'as pas voulu le point. Allez, deux dernières questions plus longues. En foot, on a vu les trophées UNFP hier, qui a vu sacrer de nombreux Parisiens, hein, 7 sur 11 ouais, dans l'équipe type de la saison. Aïe. Donnez-moi l'équipe type de Ligue 1 de l'année dernière. On va faire un tour de table. Aïe, belle. On va faire la tour de table et si vous avez faux, c'est élimination. Romain, non, Tim, qui commence? Bon, allez. Si tu veux, je vais commencer. Bah ouais, je veux pas bien. Le choix, je sais d'ores et déjà que c'était pas Mandanda l'année dernière. Bien vu. Allez, ça va être fini sur le gardien d'entrée ou Je veux dire, faut être objectif. Je veux dire Areola. Éliminé. Pelé. C'est terminé. À gauche, le duo. Ça sort pas du parking, ça. Cavani. Allez, c'est terminé. Cavani, c'est bon. Romain. Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, c'est bon. Neymar. Ah non, je rigole. Thiago Silva. Oui. Putain, c'est suspense. Ce goal là. Ah ben putain, j'ai. Allez. Trop de messes basses là. Il y a des débats. 5 secondes, j'élimine. Fabinho. Éliminé. Ah, bon. Oh, c'est dur ça, il était pas Fabinho? Non. Ah, c'est incroyable qu'il fait. Ouais, Est-ce que je continue sur la logique? Je dirais Djibril Sidibé. Sidibé, oui. La Djib. J'hésitais. Il en reste deux. Guillaume. Il reste plus que deux? Bah vous deux. Ah oui, joueur, mais on n'a pas dit. La beaucoup. Casette. La Casette, oui. Ah oui, la Casette. Romain. Je vais gagner pour toi, ça. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était deux points. On n'a pas encore dit Kylian Mbappé. Il revient. On l'a pas encore dit, Kylian Mbappé. Ah, Kylian, voilà, c'est vrai. C'est ce qu'on avait dit. Putain, mais c'est qui ce sous-goal? Il reste trois milieux, un défenseur et un goal. Ah putain, oui. Subasic. Subasic. Ouais, j'avais pensé. Un défenseur et trois milieux. Marco Verratti. Marco Verratti, oui. Pour appuyer ça, par contre. Il n'a rien à faire dans l'équipe de cette année, en tout cas, encore. À voir. Allez, je vais dire Rabiot. Éliminé. Si tu donnes un truc, t'as le point. T'as deux points. On a dit qu'il manquait un défenseur de milieu, c'est ça? Ouais. Il y a un milieu que vous avez pas dit qui a été énorme. Ouais. Ah, je l'ai. Ah, je l'ai en mousquetaire. Non, dis pas de précis. Ah, c'est fou. Attention, c'est 5 fou secondes. C'est le meilleur joueur de la Ligue 1 l'année dernière. 4. Mais oui, putain. Je vais dire Glick, mais je suis pas sûr. Défense centrale. J'étais sur la défense Glick, centrale. Glick, en effet. Bernardo Silva, j'étais pas sûr. J'hésite. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva, bien sûr. Et Anissois. Série. Dernière question. Dernière question. Allez, je donne 3 points à la dernière question. Zverev a remporté un Master 1000 de Madrid ce week-end. Depuis la création de l'ATP World Tour en 2009, qui a gagné les Master 1000? Quoi? Hein, c'est-à-dire de Madrid? Qui a gagné les Master 1000? Tout depuis 2009. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a jusqu'à 22 heures. Non, il n'y en a pas tant que ça. On doit les donner, Indian Wells, donc il y a Miami, Monte Carlo, Rome, Madrid, Montréal, Cincinnati, okay. Shanghai et Paris-Bercy. Rafa Nadal. Il y en a en tout 17. Rafael Nadal. Attends, non, on fait un tour de table comme avant. Bah, tu commences. Bon. Allez, bah Rafael Nadal. Allez, j'attendais que ça démarre. Hein. Au fond. Tu les as tous gagnés. Hein. Non, qui en a gagné un au moins. Djokovic. Djokovic, ouais, ils ont gagné. Évidemment. Grosse prise de risque, hein, Roger. Roger, grosse prise de risque. Benoît Paire. attends, éliminé. Qui était cité? Djokovic, Nadal, Federer. Ok, classique. Bah Murray. Murray, le quoi tu aurais rempli? Stanislas Wawrinka. Stanislas Wawrinka, une fois à Monte Carlo. Voilà. Ouais. Just. On en a gagné qu'un en plus. Hein. Ouais. Attention, Bonhomme. Ça passe pour cette fois, mais c'est Just. Zverev, évidemment. Voilà, celui-là. Trois fois. Tonga. C'était mon prochain. Une fois depuis 2009, avant 2009, une fois aussi. Et ouais, Bercy. Son gars, Bercy. Vraiment les fiers. Nishikori. Éliminé. Que tu es mauvais, il a jamais gagné un Master 1000, Nishikori. Romain. Oh, j'hésite, je suis pas sûr. Putain, j'ai trop il est encore là. Pas mal. Hein. Putain, j'en ai plein là. C'est trop d'idées là. Je vais être un bougeable. Ah bah oui, j'en ai plein. Hein. Allez. Je vais être un bougeable, je vous le dis. Ah, prend trop de temps. David Goffin. Éliminé. Ah, j'ai cité avec un autre. C'est ce que je lui ai dit. Jack Sock. Oui. Ah, mais oui. À Bercy l'année dernière. Joli. Dimitrov. Attention. Le micro. Le fait de Dimitrov, Cincinnati. Dimitrov, Cincinnati 2017. Sinic aussi. Il reste vous deux. Yacine et Dimitri, allez plus vite, sinon c'est élimination. Jerzy Janowicz. Il est en finale. Oui, il a pas gagné. Éliminé. J'ai David Ferrer. David Ferrer, Bercy 2012. T'en as d'autres? Il y en avait plein. Rodic. Volé, là. Silic, Cincinnati 2016. Soderling, Bercy 2010. Lubicic, Indian Wells 2010. Isner, Davidenko à Shanghai. Del Potro cette année à Indian Wells. Isner, il gagne cette année. J'étais persuadé. Nul. Pourquoi j'ai dit quoi faire? Égalité. Ah, tu t'es chauffé. Ah, j'ai dit. Victoire, égalité de Romain et de Tim avec 7 points chacun. Bravo à vous deux. Good game sur ce coup-là. C'était un beau quiz ce soir. Ah, avec oui, beaucoup merci. De points. Et encore un Guillaume au top de sa forme. Hein. Il est rougeable en ce moment. Un ah, la CF fait mal, hein, ouais. Combien de points pour notre Guy national? Un point. Non. Si, un c'est point. Joli. Ah, il a sauvé l'honneur. D'où je sors Je sais pas, j'ai dû te le donner. Ah oui, t'as dit en même temps un truc. Un et encore, vin, le 1 point, il était donné. Pot de vin, la pince médicale. Ouais, après, j'ai régalé sur Bourgeon quand même. Alors, tout ça, ouais, l'annoncé dixième. L'agenda, est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour l'agenda, ouais. Et notamment... Tout oui. Est-ce que vous avez vos agendas respectifs, notamment Non, vas-y, démarre. Ouais, je démarre, même. C'est bien ce que je me disais. Le football, mercredi, à finale d'Europa League, évidemment, entre Marseille et l'Atlético, ce sera notre seul pronostic de la semaine. Vendredi, PSG-OL, mais en D1 féminine. Ah. Samedi, finale de FA Cup entre Chelsea et Manchester United. Dernière journée de Liga, notamment samedi aussi, entre Villarreal et Real Madrid, évidemment. Ligue 1, dernière journée. Alors, il y a dans les matchs qui comptent encore, quand PSG, 3 Monaco, Saint-Etienne-Losc, Metz contre Bordeaux, Toulouse contre Guingamp, Lyon contre Nice, Marseille contre Amiens et Rennes contre Montpellier. Dimanche, encore de la Liga, toujours la dernière journée, Valence-La Corogne notamment, ou encore Barcelone-Real Sociedad. Enfin, dernière journée de Serie A aussi dimanche, Lazio-Inter, très important pour la course à la Champions League, Juve-Hellas-Vérone ou encore Napoli-Crotone. En rugby. Est-ce que tu y es ou sinon tu peux continuer en hand? Tu peux continuer en hand, j'y suis et dans 5 secondes. Le handball, Lidl Star League, 2 matchs ce week-end de championnat. Donc en premier, ça sera mercredi PSG contre Aix-en-Provence, Ivry-Saint-Raphaël ou encore Nîmes-Toulouse, et jeudi évidemment le choc entre Montpellier et Nantes. Et une autre journée avancée de Lidl Star League, ce sera samedi entre Tremblay contre Paris, tandis que les autres matchs se joueront mardi et mercredi, notamment mardi entre Saint-Raphaël et Montpellier. En rugby, ce seront les barrages du top 14 pour connaître définitivement les affiches des demi-finales, avec un barrage vendredi soir entre le rugby club toulonnais et le Loup de Lyon, et enfin donc à 21h, et le samedi le Stade Toulousain qui recevra le Castres Olympique pour un duel régional à 16h15. Donc à savoir, pour préciser aux auditeurs, que le vainqueur de Toulouse-Castres jouera le Racing 92 en demi-finale, et que donc le vainqueur du match Toulon-Lyon rejoindra nos Montpellierains pour cette belle demi-finale au Parc OL le vendredi soir suivant. Il reste encore des places pour la demi-finale pour les Montpellierains qui veulent. Et je crois que je vais y aller. Le cyclisme, ce sera le reste du Giro, évidemment, la deuxième semaine du Giro qui commence. Qui commence dès demain, et puis un autre tour que tu as peut-être recité, dont tu as parlé déjà dans l'émission que j'ai écoutée la semaine dernière, le Tour de Californie, bien sûr, qui a commencé hier, ça me revient, et qui donc continue tout au long de la semaine. Mais c'est surtout, bien sûr, le Giro d'Italia qu'il faudra suivre de près. En NBA, des matchs plus qu'intéressants et plus qu'importants. Et ouais, la suite des finales de conférence, avec le premier match de la finale de conférence à l'Ouest entre les Warriors et Houston ce soir à 3h pour les plus motivés. Après, on enchaîne sur le Cleveland Celtic, le match 2, et puis vice versa toute la semaine. Il y aura juste une pause le jeudi, le vendredi soir, du coup, et ça reprendra. Le match 3 est samedi, effectivement. Jusqu'à le closing la semaine prochaine. En tennis. Tennis, deuxième tour de... Non, toujours premier tour d'ailleurs de Madrid. Madrid féminin ou... Là, j'allais démarrer par le masculin plutôt. Tu voulais dire le Rome, du coup. Rome, pardon. Après, une semaine de retard, mon ami. Tellement trop à penser en ce moment. Ouais. Lucas Prol contre Andreas Seppi. J'ai un Corrige City Pass, sympa. Ouais, de Jordan X-Gen. Un match de terrien, Schwartzman contre Jarry. L'affiche principale demain, ça sera Dimitrov Nishikori. Ah ouais, sympa dès le premier. Pas mal du tout. Ouais. J'ai un Cole Schreiber Jack Sock, pas mal. Chez les femmes, honnêtement, il y a vraiment pas beaucoup. Mais les Frenchies, il n'y a pas de. C'est tranquille. Le seul qui joue demain des Frenchies, c'est Lucas Pouille, puisque Père et Gasquet s'affrontaient aujourd'hui. Père a gagné, hein, sachez-le. Ouais, surpris. Et chez les femmes, Mladenovic qui affronte Sevastova. Bon, ça va faire un first, hein, je vous l'annonce. Sinon, Sharapova contre une tête de série Barty et pas plus. Hein. À voir, je suis effectivement la petite néerlandaise Bertens va pouvoir confirmer à Rome après cette performance. Est-ce que vous avez d'autres programmes sportifs à nous proposer? Non, finale tournoi FIFA peut-être mercredi. D'accord. Tournoi FIFA mercredi. Okay. Mais je suis sûr que c'est toi, noté. Oui. Non, Flo, du tout. J'ai rien à rajouter, je suis désolé. Ah si, j'ai repéré quelque chose, tiens, je le dis. Parce que j'ai vu en venant ici, pour les événements locaux, on a parlé wakeboard avec le fils, mais j'ai vu qu'il y avait un festival de kitesurf qui avait lieu ce week-end du 18 au 21 mai. Ouais, c'est bien ce week-end, c'est le week-end de Pentecôte, du côté de Villeneuve-les-Maglones. Donc c'est local, c'est le coin, donc on a 11 ans. Et je connais, en plus, c'est plutôt un des côtés du littoral héroleté. C'est la prison. Ouais, c'est vrai. Il y a d'ailleurs un très bon match de basket dans la cour de la prison, apparemment prévu sous le Par contre, moi, je ne les connais pas, c'est vraiment un coin sympa. Ça, ouais. Ça, et un bel événement, ça s'appelle le Festi Kite, du coup, pour ceux qui veulent se renseigner. Oui, merci, merci de le préciser. On va faire notre pronostic, donc notre seul, c'est Marseille contre l'Atlético. Guillaume, tu commences pour cette finale d'Europa League. Allez, 2-0 pour l'Atlético. Merci, bonsoir. 0-2. Team 1. 2-1 pour l'Atlético. 1-2. 2-1 pour l'Atlético aussi. 1-2. Ça fait plaisir de voir l'OM gagner. Ouais, c'est un plaisir pour Marseille. 2-0 pour l'Atlético. Ah, on voit quelle objectivité autour de cette table, quoi. C'est moi où on avait tous le même pronostic en tête. Ça va pas être plein de. Moi, je vois un but d'écart. Ouais, ça va être le score que tout le monde a donné ou presque. Moi, je vois 2-0. Parce que je vois pas Marseille capable de marquer, quoi. Ouais. Moi non plus. 4-0 pour l'Atlético. J'ai trouvé la place dans le coffre fort. Elle est dure. Mais la bise. Marseille puni. La bise à notre Alex quand même. J'espère qu'il sera au stade. Il me l'a pas confirmé. Je suis content d'apprendre ce soir. On peut faire la bise aussi. Que les Olympiens vont quand même. Puni au parc, à mon avis. Ah oui, non, mais je suis pas contre eux. Moi, je vois ça. Après, ouais, il abuse aussi pas, hein. À Keke, qui supporter, et aussi à Jordan, hein, qui était l'ancien chiller. Ouais. Ouais, ouais. Comme d'hab, quoi. Au niveau du classement, tu vois, 4 buts marqués quand même par la tête. Ouais, c'est rarement si prolifique, c'est ça qui me surprend. C'est pas du réaliste. Vous savez pourquoi? Parce que la semaine dernière, vous avez tous dit ouais, pour le PSG, Herbier, j'ai pas bon. J'ai pronostiqué 2-0 pour le PSG, j'ai eu score exact. J'ai eu 3 points. Anticiper que Paris sera en claquette aussi. Du coup, un point pour tous les autres qui étaient là. La semaine dernière. Et la bise à Paul qui voyait 7-0 quand même. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est enflammé. Ouais, et Juve Milan, un point pour Yacine, Paul et Dimitri qui avaient vu la victoire de la Juve, mais pas de score exact. Au niveau du classement, je suis premier donc avec 20 points, Dimitri 15, Guillaume 13, Romain 12, Paul 10, coups, hein. Tim et Yacine 9, Théo 8, Vincent 7, Thibaut 5, Sylvain et Anthony 3. Et Guillaume, notre autre Guillaume qui était là la semaine dernière, a un point. J'ai pas bien temps à commencer. Heureusement, il y en a quand même. Par contre, allez, on va terminer là-dessus. Je vous remercie d'être venu avec moi ce soir. J'espère que c'était merci pour vous. Ouais. On va remercier nos auditeurs qui nous ont écoutés ce soir. La semaine prochaine, malheureusement, il n'y a pas d'émission puisque c'est encore un petit problème de jour férié. On va vous manquer encore. Ouais, on le sait qu'on va vous manquer. On se retrouvera a priori le 28 et ce sera pas moi puisque moi je serai en stage. Un duo mythique en termes de charisme. Et apparemment, un duo mythique. Selon les dires, on va toucher le gratin. Entre ceux qui parlent le plus dans l'émission, autant en dehors qui vont devoir apprendre à faire passer la parole. Ouais. Sans faire trop de blagues aussi. Ça va, mon Guy ? Ça va être dur pour à savoir pour Guillaume aussi. Et Tim qui seront aux commandes. Après, c'est complémentaire, ensuite. Comme sur le terrain d'ailleurs, je pense. J'avoue. Pas de son de la semaine cette semaine. Puni. Du coup, on va terminer là-dessus. On va terminer en musique tout simplement. Et nous, on se retrouve donc le 28. Mais pour le duo Team Guillaume, on va parler surtout tennis et Ligue 1. Allez, on se retrouve le 28. Salut à tous. Salut. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.